Bah, Max, hein. Ok, Quand tu bah, veux. on va y aller, hein. C'est parti. Bonjour. Bonjour à Pardon. tous. Merci aussi. Merci vas-y. Pour le bonus, c'est cool. Bonjour à tous, vous écoutez le podcast numéro 4 de Youngtis. Donc aujourd'hui nous allons parler de notre bonne vieille Ligue 1 qui reprend demain. Ça fait 2 mois qu'on l'attendait, donc voilà, elle est là. Donc je vais vous présenter qui est avec moi. Donc nous avons Forza, salut Forza. Salut. Nous avons Oshi, salut Oshi. Salut. Et nous avons Val, salut Val. Bonjour à tous. Donc on va faire club par club, hein, comme on faisait d'habitude. Donc on va commencer par le premier club, un promu, Ajaccio. Enfin, le Gazélec Ajaccio, à pas confondre avec l'AC Ajaccio. Voilà. Donc au niveau du recrutement, il y a très peu de joueurs qu'on connaît. Voilà, ils ont perdu des joueurs Rivieran, Fabre, Andreu. Sinon pour les arrivées les plus connues, il y a Mangan qui a joué à Rennes, il y a Coef qui est un ancien de Lens, je crois, qui vient de l'Oudinez. Ouais. Le Moine de Lens, Silla de Toulouse et Touré de Tours. Ouais, non, bah, les Gazélec Ajaccio, quoi. Je sais pas s'ils foutent ici, c'est bien. Et ils ont pris un tennisman aussi, Djokovic. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est la pâle copie croate, Ralfi va pas être content, quoi. Non, mais le Gazélec, ça va être, bon, bah, un promu, ça va être dur pour eux, ça va être genre l'équipe contre qui les équipes prendront des points, je pense. Ça va être compliqué, je pense, hein. Ça va être très très compliqué, ils sont quand même peu renforcés. Ah, après du coup ils ont toujours leur équipe, ils ont toujours leur collectif qui est là, quoi, forcément, parce qu'ils ont vendu aussi pas énormément. Je sais pas, on verra. Après l'équipe sur le papier, elle a pas l'air folle non plus, quoi, de base. Non. Ouais, de donc, base bon, ça a fait la montée assez rapide quand même. C'est passé de national en Ligue 1 en 2 ans seulement, donc chaud, très chaud. Comme Metz l'an dernier, quoi. Voilà. Je crois. Oui, après, forcément un bon exemple. Après il y a le contre-exemple Evian aussi qui avait fait la même chose. Qui avait fait 2 montées de suite et qui bah, s'était maintenu. Ouais, mais Evian, ils avaient recruté comme des bourrins. Ils avaient recruté la première saison, genre 15 joueurs. Et du coup, je sais pas, ça a dû marcher un petit peu comme ça. Là, le Gazélec, ils se basent sur leur collectif. C'est bien, hein. Faut essayer. Mais le dernier qu'on fait ça, effectivement, c'est Metz. Et puis ça a pas marché, quoi. Alors que Metz jouait bien en plus. Donc. Ils ont quelques vieux briscards, quand même, là, je vois, dans l'équipe du Courtiou. Grégory Pujol aussi. Ouais, ouais. Non, mais à voir. Peut-être qu'avec l'expérience des anciens, justement, on va réussir à. Je pense que chez eux, ils vont être un peu compliqués à prendre aussi, je pense. Bah, c'est jamais facile, ouais, la Corse. Ouais, c'est donc, sur un malentendu, on sait jamais, mais bon, c'est vrai. Exactement. Que j'ai peu d'espoir, quand même. Donc, vous les voyez, donc, Charrette. Moi, je les vois relégables, à la fin de la saison. Oui. Donc, on va continuer avec un autre club promu, hein, Angers. Voilà. Ils avaient plusieurs fois eu la possibilité de monter, ils l'ont fait enfin la saison dernière. Donc voilà. Donc après au niveau recrutement, bah c'est un petit peu la même chose, hein. Il y a Endoy de Créteil. Il y a pas mal de monde par contre. Ouais. Mais il y a pas mal de joueurs de Ligue 2, hein. Endoy qui vient de Créteil, Ketke Ofanfon qui vient de Tours. Pas mal. Toi tu as réussi à le dire du premier coup, quoi. Ah ouais, c'est génial, je me suis entraîné. Il y a Sounou qui vient d'Evian. Voilà. Après il y a 2 joueurs qui viennent un de Suisse et un d'Écosse, mais alors, je le connais pas du tout. Karadovic. C'est Arsenal. Ouais, enfin, qui était à Arsenal, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, qui était à Lorient aussi avant. Il y a aussi, il y a Capel de Clermont, Doré de Cluj. Bah, il y a Mangani aussi, qui était, Mangani, Monaco, ouais, voilà, Monaco. Qui vient du Chievo, du coup. C'est... Il était très bon dans FM, il y a très longtemps. Comme sous nous. Oui. Mais sinon, là, c'est vrai que, bah, il y a Andreu, tiens, qui vient d'Ajaccio, tiens, hein, voilà, on dit qu'il était parti. Formé à Saint-Etienne, d'ailleurs, Johan Andreu. Ouais. Mais après, sinon, Saïs du Havre, mais, Bah après, ouais, ça commence à être un peu inconnu au bataillon. Non, un peu, ouais. Angers, je les sens bien, moi. Bah, moi aussi, je sens que ça va être la petite surprise de cette année. Parce bien. Que leur collectif était pas trop mauvais l'année passée. Ça jouait pas mal offensif. Et leur attaquant, enfin, je sais plus leur nom, mais le meilleur buteur de Ligue 2 de l'année passée. Pour moi, il peut faire une petite surprise de cette année. Ouais, je pense aussi, ouais. Bon, ils vont se rendre peut-être dans les 5 premiers, mais. C'est pas non Je sais pas après, déjà l'an dernier, j'ai pas trop suivi la Ligue 1, alors la Ligue 2, parlons pas, mais. Honnêtement, je sais pas. Il y a plein d'équipes comme ça qui sont montées, qui avaient un bon collectif, bah, comme Metz l'an dernier, 3 à l'époque, et même si tu fais du jeu en Ligue 1, tu peux vite te ramasser quand même, quoi. Ils ont pas plus de joueurs. Après, quelques fun, là, l'ancien de Tours, enfin, moi, pour avoir suivi un peu la Ligue 2, c'est un bon joueur quand même. Il était bon. Enfin, à Strasbourg, hein, je crois. Ouais, je crois, ouais, c'est ça, ouais. Mais à Tours, il avait vraiment été pas mal. Hein. Ouais, j'ai entendu parler plusieurs fois, ouais. Il fait des petits éclats. Wow. À voir. On continue, donc, après Angers, on retourne en Corse, hein, pour le SC Bastia. Donc, au niveau des recrues, il y a Diallo de Rennes, Bade, qui revient de près de New York, Fofana, qui est prêté par Manchester City, et Djebourg de Montpellier. Voilà, 4 recrues seulement. Par contre, au niveau départ, c'est, là, c'est les 4 pas mal de départ. Ah ouais, Boudbouz qui part à Montpellier, Sio qui repart de près, Gilet qui repart aussi, qui repart de près, Talo, Ogenda, Areola, Cissé, ouais, c'est Ogenda, enfin, c'est vraiment, il y a, c'est la grosse lessive. Dépeuplage. Bah après, je pense qu'il va pouvoir recruter un petit peu, parce que ça va être un peu juste quand même, pas possible. Il leur reste encore à peu près un mois pour acheter des joueurs. Alors, je comprends pas pourquoi ils ont vendu Boudbouz aussi peu cher. Ils étaient en galère avec la DNCG, donc ils devaient faire une vente rapide. Et je crois qu'ils devaient 1 million ou 1,5 million, ils ont vendu 1 million. Ah, 1,7 million, ils l'ont rendu, ce que disait son équipe. Putain, c'est un seul vraiment joueur à potentiel. Bah, c'est cadeau pour Montpellier, là, j'ai envie de dire. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Donc, ouais, Bastia, je pense que ça va être très dur, hein. Très dur. Surtout qu'ils perdent quand même, on peut lire, leurs 3 meilleurs joueurs de la saison dernière, quoi. Boudbouz, Sio et Gilet, quoi. Ouais. Voilà, dans les cartes, c'est quand même pas dégueu. Si, ouais. Ça va être une saison compliquée, quoi. Bastia, ils vont être bas, hein. Je me sens très très bas, moi. Ouais, pour moi, ce sera pareil, ce sera aux alentours de la 16e, 17e place, mais. Ouais, moi, j'irai pas charrette parce que je pense qu'il y a plus faible, mais ça sera pas loin quand même. Et du coup, ça va être qui leur goal titulaire? Bonne question. Alors là. Ils ont pas pris d'autres goals au mercato. Alors, je vais checker ça vite fait. Bah, ils ont toujours Jean-Louis Lecoq, quoi. Ouais, c'est, bah, d'accord, ouais. Salut. Il n'y a pas l'air d'avoir eu de recrues, en gardien, en tout cas. Ouais, il y a que lui, Thomas Vincenzini, dans ce poste, on avait entendu parler, et puis c'est tout, hein. Ah, donc, ouais, je connais pas du tout. Bon, après, comme tu disais, au fil, il reste quand même 3 semaines à moi pour recruter, donc je pense que. Bah, ouais. Oui, parce que là, je vois, parce qu'à part le cas, donc, c'est l'autre, c'est Thomas Vincenzini, qui a, à 93, il est né, donc il doit avoir 22 ans. Il a joué un match en Ligue 2 il y a 2 ans, en fait, et c'est tout, quoi. Ouais, c'est un petit peu juste pour les liens, je pense, au bonhomme, ouais. Ouais, puis il leur faut des recrues un peu partout. Surtout, je regarde leur effectif, surtout au milieu de terrain, quoi. Ouais, pour moi, c'est surtout l'attaque qui va manquer quelqu'un, parce que c'est pas avec Brandao que tu vas faire quelque chose. Ah oui, ça, il peut jouer, c'est bon. Camano, qui était pas mal l'an dernier, quand même. Ouais. Mais il reste jeune, quoi, faut qu'il confirme. C'est ça. Ouais. C'est tout pour Bastia? C'est tout pour moi. Bastia, faudra aller suivre, savoir s'ils vont arriver à recruter, à se renforcer un petit peu, ce que je pense feront s'ils ont un temps soit peu envie de se maintenir. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc on passe au club suivant, donc au Girondins de Bordeaux. Donc, au niveau recrue, il y a pas grand chose de plus, à part Gaïc de Belgrade, le Serbe. Sinon, il y a Salah qui est revenu de près, mais qui est reparti à Nantes. Et il y a Laborde qui était prêté à Brest. Catherine? Oui. oui. Sinon, au niveau des départs, il y a Mariano. Ouais, Mariano. Salah. Grosse perte. Ouais. Grosse perte pour moi, Mariano. Le départ, c'était quand même un des piliers de leur défense. Grosse perte pour moi, en tout cas, de ce côté-là. Surtout pour 3,5 millions, ils auraient pu le vendre un petit peu plus cher. Sachant que Séville n'hésite pas à cracher quand même un petit peu souvent de l'argent. Donc, Ils avaient pu lui rester qu'un an de contrat, non? Ouais, possible. Ils ont perdu aussi en défense Planus. Pas Planus, ouais, du coup. Villori aussi. Ouais. Et surtout, je pense, leur meilleur défenseur, Julien Faubert. Voilà. Après, non, pareil, c'est pas, donc, ça va être dur pour eux, Bordeaux. Après, bon, bah, là, ils, de toute façon, ils sont en top préliminaire en Europe. Ouais. Non, je sais pas. Moi, je me fais pas trop de soucis pour eux. Sagnol a l'air de bien gérer la barque. Ouais, ça va finir encore 8e, ça va être bien. C'est ça. Voilà. Saison de transition encore, c'est je pense. Bien, c'est bien. Bon, au moins, ils ont l'avantage d'avoir... Enfin, ils devraient être prêts d'entrer, normalement, vu qu'il y a eu 3 changements dans l'équipe. Ouais. Ils devraient pas avoir de mal à se lancer cette année, quoi. Donc, sur la continuité, ça peut le faire, quand même. Et encore 3 changements, on va dire le vrai seul changement, c'est Gaïc qui prend la place de Mariano, quoi. Parce que les autres joueurs qui sont partis, il y en a aucun qui était titulaire, donc finalement ça change pas grand chose, quoi. Donc finalement l'équipe est prête, quoi. Il suffit que Diabaté arrive à faire une saison un peu complète, ils peuvent viser un top 5. Ce joueur me fait rire à chaque fois, Diabaté, quoi. Enfin le mec il est nul, moi je le trouve nul. Maladroit, mais quand même, c'est juste chaque saison, quoi. Je trouvais vraiment très très très nul, et puis en fait c'est vrai qu'au fil des années il s'est quand même révélé assez efficace, et mais c'est vrai qu'il est pas super régulier, et je sais pas, il faudrait peut-être travailler un peu plus avec lui, j'en sais rien, mais en tout cas il est courtisé en plus, je crois que chaque été Et encore la saison dernière il finit 6ème, mais je pense que si Diabaté se blesse pas au mois de janvier, ils sont un peu plus près de la 5ème place, hein. Moi je sais pas. Et, parce qu'ils finissent qu'à 6 points finalement, 37ème. Ouais. Je m'en rappelle plus, mais oui. Pas pour moi. C'est Bordeaux, voilà. ça fatigue. Ouais. Comme leur jeu, quoi. Voilà. C'est ça. Donc voilà, pour Bordeaux, on va continuer avec Caen. Oui. Qui là aussi a fait pas mal de recrutement. Hein. Jeff Louis du Standard de Liège. Vincent Bessa de Nantes. Andy Delors. Enfin, qui était à Wigan. Dédicace à Freeze. Voilà, ouais. De la place du LOSC. Alors après, c'est Nkolo Lo de Clermont. Je connais pas. Ben Youssef du FC Astra. Après, il y a Duhamel d'Evian. Aladur de Nantes encore. Raspantino qui revient de près de Dijon. Et Joncourt de Concarneau. Donc, super beau. super joueur. Et alors, au niveau départ, il y a Ngolo Kanté, hein, qui est parti à Leicester. Benezé, Priva. Koita, Calvé, Salah, oui, quand même pas mal. Thomas Lemar, ouais, Lemar, Damien Perkis, Saad, il y a quand même du monde. Hein. Jouer Saez aussi. Ouais, il y a pas mal de départs importants, surtout sur leur deuxième partie de saison qui était important. Je pense à Benezé par exemple. Benezé qui leur faisait un bien fou. J'ai pas compris pourquoi ils ont récupéré Duhamel. Ils ont pas concrétisé l'échange avec Evian, mais. Puis, Lemar aussi. Au milieu de terrain, quand tu perds Kanté, Saez, Lemar. Ouais. Ça commence à faire beaucoup. Bon après ils ont le petit de la place là, pour l'avoir vu jouer quelques fois avec Lille, il est pas mauvais. Il peut remplacer aisément un des trois dans le trio, mais il remplacera pas les trois d'un coup, c'est sûr. Même Jeff Louis à l'époque de Nancy, il était pas mal quand même, il avait du ballon devant. Ouais, après c'est... Delors, c'est pareil, de toute façon son niveau de tour, c'est quand je pense qu'ils ont surtout subi les départs et que qu'il en soit, ils vont essayer d'être de se maintenir encore une fois, parce que c'est pas un club qui, je pense, a l'envergure pour essayer de taper dans les 10 premiers. Donc bon, je pense qu'ils vont faire le maximum, mais je pense qu'il y a toujours moyen quand ils arrivent toujours à se dépatouiller à peu près, mais bon. Un jour, on peut faire que le club évolue un petit peu, parce que ça marchera pas chaque année, quoi. La vraie question, c'est quand? Oui, quand? Ah bon, après, moi, je trouve que le Andy Delors, c'est quand même un très très bon renfort. Bon, il s'est planté en Angleterre, mais j'aimerais bien vraiment le voir justement en Ligue 1, voir un peu s'il a vraiment le niveau, s'il mérite vraiment tout ce qu'on dit sur lui, parce que son retour à Tours était vraiment, très très bon. Il a fait quand même. Ouais, mais en Ligue 2, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, moi, je vois en Ligue 1, je vais voir ce qu'il vaut vraiment. Ouais, c'est. Je vais voir s'il a la gueule, s'il a... parce qu'il parle beaucoup quand même. Parle beaucoup. Ah, c'est. C'est une grande gueule. Voilà. Et on va voir s'il mérite d'être une grande gueule, quoi. Ah, c'est ça. On va dire que c'est l'année où il doit se montrer, quoi. Ouais. Ah, oui, c'est pour lui, là. C'est maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, c'est bon pour quand ou. Oh, oui, encore... On va passer donc à Guingamp, qui là aussi a eu pas mal de départs, d'arrivées aussi. Donc au niveau arrivé, il y a Jimmy Briand. Ah, Jimmy. Le fameux, Briand. Il n'a de Briand que son nom. Depo qui vient de Lokeren en Belgique. Dembélé de Nancy. Benezé d'Evian. Priva et Guivarche de Lorient, alors. Mon souvenir, Guivarche. Ça va leur rappeler des souvenirs, ouais. Après, par contre, au niveau départ, ils ont perdu énormément. Ils ont perdu comme Claudio Bouvu, Christophe Mandan, Alioui, Jérémy Pied, Schwartz. Et Sanko, je connais pas, mais voilà. Mais sinon, surtout au niveau de attaque, ouais, énormément. Ou même Marvaux ou Yatabaré. Non, Guingamp, ça. Bah après, ils avaient quand même un jeu agréable l'année dernière, ça jouait. Ouais. Je pense pas qu'il y avait une Beauvue dépendance, comme ils aiment dire. Il était efficace, quoi. Mais encore, bah après, ça n'a jamais été non plus. Il a pas mis non plus 25 buts. Je sais pas. De voir qu'il recrute encore un petit peu. Ouais. Après, Beauvue a marqué quand même 17 buts dans la saison. C'est quand même. Beauvue et Mandan, ça faisait une bonne petite paire. Ça les a bien aussi, aidés. Ouais. Donc, après, à voir si Briand s'adapte. Briand Benezé, on verra. Non, pour moi, Briand, s'il joue, s'il est en confiance, bon, ok, des fois il est maladroit, mais pour moi, ça peut être une bonne pioche. Mais surtout gratuitement, en tout cas. En tout cas, il provoque. Même s'il est pas bon devant le but, il provoque. Ouais. C'est toujours provoquer des, créer des occasions. Ça fait espace. Voilà. Donc oui, ça peut être intéressant. Ouais. Puis après, enfin, Depo, je connais pas, mais bon, c'est pas mauvais à ce que j'avais entendu parler. Il me semble qu'il est un petit peu vieux, si je dis pas de conneries, mais 25 ans, pardon. Ce que j'avais entendu parler, il avait pas l'air mauvais, en tout cas, après, à voir s'il s'adapte, hein, bien sûr. Ouais, ça, c'est, après, ça, bah, après, c'est pour toutes les recrues la même, c'est jamais, voilà. Donc, ouais, je pense que ça sera, deuxième partie de tableau, hein. Ouais, aux alentours de la 10e place, pour moi. Ouais. Guingamp, ça dépend. Ça dépend. Même, je pense. Moi, je pense que ça va être qui tout double. C'est soit ils arrivent à maintenir le niveau de jeu qu'ils avaient l'année dernière, même avec leurs nouveaux joueurs, et que du coup, ils peuvent prétendre à, même pour avoir titillé pour l'Europa League, soit ça va être à la débandade et ça va être dur pour l'entre vous, quoi. Ah, l'Europa League, quand même, c'est haut. Il y a plein d'équipes. Ouais, mais ça va vite et il y a pas tant d'équipes que ça, en fait. On en reparlera après. J'en cite la moitié qui sont meilleurs que Guingamp. Ouais, mais on sait jamais. Moi, déjà, s'ils font un maintien bien tranquille, ce sera déjà bien. Tu perds pas Beauvue, Mandane, comme ça, sans conséquence. C'est clair. C'est Bon, après, Beauvue, c'est sa première vraie saison, donc on sait jamais. Hein. Depo peut se révéler aussi. Donc. Ça a quand même bien aidé les 17 buts. Faut trouver les mecs qui vont les mettre. C'est sûr. Clair. Ouais. Donc on... Ouais, de toute façon, ça va être... On va se dire une saison compliquée, mais je pense qu'il y a quand même plus mauvais qu'eux, hein, clairement. Oui, il y a plus mauvais pour moi. Donc on... Il y a Ajaccio Angers. Il y a trois aussi. Ouais. On continue donc avec le LOSC, hein, entraîné par Hervé Renard, nouvelle recrue lui aussi. Les arrivées, donc il y a Talo de l'AS Roma, qui était prêté à Ajaccio, je crois, la semaine dernière. Il y a Botiac de Nice. Il y a le retour de Sivelli en Ligue 1. Ça fait plaisir, ça. Le guerrier. Ouais. Les attaquants pensent à prendre leur prothèse tibia, quoi. C'est clair. C'est clair. Après, il y a Guirassy de Laval. Il y a Guillaume de Lens. Il y a Obadi, il y a Ligue 1 aussi. Ouais, il y a Obadi. Il y a le retour de Rodelin. Sunzu. Sunzu, l'homme de Renard. L'homme de Renard, ouais. Son homme de base. Le Clément, comme Clément et Le Gouen, quoi, à l'époque. Ouais, c'est ça. Super. Et après, au niveau départ, il y a Origi. Bon, t'as pas fait une saison extraordinaire, mais bon. Non. Il y a Gay qui part à Aston Villa. Beau départ avec une belle enveloppe. Un beau chèque. De la place qui part à Caen. Nolan Roux qui part à Saint-Etienne. Pigeage du siècle. à voir. Moi, j'attends de voir. C'est pas si horrible que ça, quand même. J'attends de le voir. Pour ça l'avoir vu jouer, je me permets, mais pour l'avoir vu jouer plusieurs fois aussi, Roux. Il est lourd, il est pff, voilà quoi. Ouais, il est pas titulaire à Guingamp quand même. Ouais, au moins. Sam Kier qui part à Fenerbahçe, grosse perte. Gros chèque aussi, donc. Ouais, c'est ça, ils ont gagné pas mal de sous cet été. Ouais, non, remplacé Kier par Sivelli, sérieux quoi. Ouais. Il y a un joueur qui part en prêt à Brest, mais je connais pas. Koubemba. Il y a Traoré qui part à Monaco. Et alors là, on parlait de Roux, pigeonnage de l'année, 14 millions pour un mec qui a 3 matchs en Ligue 1, c'est, là, niveau pigeonnage, c'est pas mal aussi, hein. Mais, du monde des moins de 20. À voir. Après, donc il y a Rosenal qui s'en va aussi. Lopez, qui était prêté par City, qui repart. Ouais. Petite perte, ça, pour Lille, quand même, parce qu'il a bien dynamité l'entrejeu. Perso, si on le récupère à Lyon, je dis pas non. Ouais, d'ailleurs, il y a pas mal de clubs sur lui, d'ailleurs. Lyon, Marseille. Notamment. Ils ont Marvin Martin, ils s'en foutent. Personne n'y croit. Mais c'est notre futur Zizou tranquille, d'accord? Ouais. Non, mais Lille, je sais pas ce qu'ils foutent, Lille. Ils ont vendu pour plus de 30 millions d'euros. Ils ont racheté des seconds couteaux. Parce que Botec ou Sivelli ou Guillaume, quoi. Hein. Faut arrêter, c'est des seconds couteaux. La raison, elle est toute simple, c'est le stade, hein. Ouais. Mais bon, c'est bien de faire un grand stade pour faire jouer des joueurs de merde. Enfin, c'est pas très intérêt, quoi. Non, après le petit Guillaume, pour l'avoir aussi un petit peu vu avec Lens, il se démenait pas mal sur le front de l'attaque. Il a pas marqué beaucoup, c'est sûr. Bon, vu de Lens l'année passée, mais pour moi ça peut être une bonne pioche pour remplacer déjà Nolan Roux. Remplacer Nolan Roux ou même Origi, hein, qui était pour moi qui est un des joueurs les plus surcotés du football actuel. Ça paraît. <l'air>, hein. on va voir Lille. Moi Lille, je les sens pas très bien cette année. Ils seront pas européens, je pense. Quand on voit les équipes qui justement prétendent aux places européennes, ça paraît quand même très compliqué, quoi, au vu de leur effectif. Je pense qu'ils peuvent encore recruter. Avec Renard, on peut faire un bon collectif. Ouais, pareil. Moi, je les vois bien faire un bon petit parcours en coupe, peu importe laquelle. Mais je les vois bien aller un petit peu loin cette année en coupe. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas percé en coupe, du coup, en coupe de France ou coupe de la Ligue, bien sûr. Du coup, moi, et comme Renard est quand même assez homme de match décisif, je les vois bien passer un petit peu haut et éventuellement gagner leur billet européen via les compétitions nationales. Ouais. On va voir. Moi, sur championnat, je les sens pas. Je les sens vraiment pas. Non, moi non plus. Après, sur une coupe, je pense que c'est possible, notamment avec Hervé Renard, qui est un entraîneur de coupe. Parce qu'il a quand même remporté deux cannes avec deux équipes. Enfin, la Côte d'Ivoire, c'était un peu plus prévisible. Ouais, c'est surtout celle avec la Zambie, quoi. Ouais, c'est clair. Même la Côte d'Ivoire, quand même, il y avait la pression. Ça faisait 20 ans qu'il attendait. La génération Drogba n'avait pas gagné. C'était peut-être l'année où on les attendait le moins qu'ils l'ont gagné, quoi. Ouais, c'est vrai. À voir. Bon, première partie de tableau sûr, européen, ouais. Faut avoir. Sûr, je sais pas, mais bon, ils seront pas 17e non plus, hein, mais. Genre Lille, ils sont quand même meilleurs que Guingamp, non, sur papier. Ouais. Sur le papier. Sur le papier, ouais, moi, dans le jeu. Enfin, on verra. J'attends de voir. Moi, j'ai le truc de voir Hervé Renard aux commandes de l'équipe. Niveau jeu, ça pourra pas être pire que l'an dernier, de toute façon. Bah non, je n'avais pas. C'est sûr. C'est catastrophique. Non, pour avoir pire, il aurait fallu prendre la Casanova, donc. On assure, effectivement. Ouais. C'est sévère. Voilà. Donc voilà pour le LOSC. On va passer donc à Lorient. Voilà, qui donc a recruté Benjamin Mukwanjo de Reims, Waris de Trabzonspor, sous le nez de Rennes. Ah putain, l'histoire est extraordinaire quand même. Et puis ils ont surenchéré au dernier moment, et du coup il y avait des émissaires de Rennes qui attendaient Waris à l'aéroport, et en fait il arrive, et en fait il va avec les gens de Lorient devant les mecs de Rennes, quoi. Ah, c'est génial à voir. Ça se fait pas. C'est pire que Parc encore à l'époque avec Lille. C'est ça, ouais. Ah, c'est le mec qui était là carrément, encore au-dessus, quoi. Lorient a quand même bien indiqué que c'est eux qui avaient payé le billet d'avion au final. Hein, donc, Ah bah ça va. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai, d'accord. Lorient quand même, ça peut être sympa, quoi. Mais Waris, c'est une bonne pioche pour quand il avait joué avec Valenciennes, il avait bien foutu son bordel, on va dire. Et ça peut être une bonne pioche pour remplacer Ayou, quoi. Ça peut être sympa. Je crois qu'à l'époque d'ailleurs, il avait sauvé Valenciennes parce qu'il avait marqué 9 buts en 16 matchs. C'est pas mal, hein, ouais. C'est un bon ratio. Lorient, je sais pas. On va voir. Au niveau départ, on va dire le seul gros départ, c'est Jordan Ayou, hein, le futur Ballon d'Or. Hein. Voilà, ouais, je pense. Je suppose. Non, mais ils ont vendu 12 millions, quoi. On n'a pas réussi à vendre Gradel. Non, mais ça me rend fou, en fait. J'en ai un You qui est beau, qui, je ne dis pas qu'il n'a pas de potentiel. En même temps, ce serait bien qu'il commence à le montrer un jour. Qui part pour 12 millions, sérieux. Enfin, faut arrêter. Il en vaut 6, quoi. Un grand max. Bon, après, c'est la première ligue, hein. Les prix sont multipliés minimum par 2, donc. Non, mais d'accord, mais ils peuvent prendre des bons joueurs pour ce prix-là, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais. Après, c'est Aston Villa, quoi. Ayou, s'il explose en première ligue, ce sera une énorme surprise pour moi, ça sera extraordinaire. Tant mieux, je lui souhaite, hein, tout ce que je lui souhaite. Malgré tout, je l'aime bien, avec sa tête de renfrogné tout le temps, là. mais ça va pas marcher, quoi. C'est Balotelli du pauvre, faut qu'il arrête, quoi. Quand il a signé à Aston Villa, il avait le sourire. Hein. Ah ouais, bah tu m'étonnes, il va se faire un salaire de fou furieux. Non, mais ouais. C'est Balotelli du pauvre, ce mec, tu vois. S'il intéresse bouger le cul, s'il veut marcher un jour, parce que c'est fini, quoi, sinon. Par contre, il aurait une pression quand même assez énorme de remplacer Benteke quand même. Ah, je sais pas s'il va être titulaire. Ils ont quand même du monde à Aston Villa. Ils ont recruté beaucoup à Aston Villa. Hein. Oh, bah, ça, comme les Gomorrhées, quoi. Cette année, ils ont tous pris 50 joueurs, quoi. Oui. Ouais. Bon, après, sinon, pour venir à Lorient, c'est pas. Au niveau départ, il y a Djali Bounou qui n'a rien fait. Hein. Qui, je pense, c'est beaucoup de retours de prêt. Hein. Ouais, sinon, ils ont tout perdu. Ouais, beaucoup Coutadeur ou Mathias Autré. Ils n'ont pas perdu grand monde. Ils se remettent à progresser petit à petit doucement depuis qu'il n'y a plus Gourcuff, c'est bien. On va voir. À voir, à suivre. Je pense pas qu'ils seront bien haut, je pense pas qu'ils seront bien bas non plus, ils seront en milieu, ils seront. 13e, 14e place. Ouais. Je pense qu'ils seront un peu mieux quand même que l'an dernier, quoi. 16e, ils ont quand même foulé la relégation pendant un moment. Donc, ouais. Bon, ça c'est. À voir. À suivre. Ouais. Donc, on continue avec donc un club européen, l'Olympique Lyonnais. Ah. qu'on fait recruter Raphaël, Beauvu et Jérémy Morel. Ouais. Et encore merci, mais encore merci Jean-Michel Aulas. Voilà. Et au niveau départ, il y a Johan Gourcuff, Balouli, Yatara, Dabo, Frick. Pour un Suisse, pas bien son nom. Pas grand chose. Et Nganyoni. Ouais. Il est prêté. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Faut voir, faut voir s'ils vont vraiment, faut voir s'ils vont vraiment réussir à vendre NG pour 15 millions d'euros, ce qui ferait mourir ouais, si... de. Si c'est ça, c'est 15 millions, mais moi, je l'amène avec, comme, je sais plus qui disait sur le forum, je l'amène avec ma Clio, quoi. Ah ouais. Non, mais, 15 millions, c'est inespéré, parce que bon, le mec, ok, il a un petit potentiel, mais il court vite, c'est tout, quoi. Il est solide, il court vite. Ouais, non, c'est pas mal. 15 millions, et si en plus, et en plus, si Olas arrive à foutre Fazio dans l'échange, et ben là, c'est le casse du siècle. Jackpot. Ouais. Bon, bah, Lyon, je sais pas. On va dire ce que tu me diras, Forza de ça. Mais moi, je pense que Lyon, ça va être plus compliqué pour eux cette année parce qu'il n'y aura pas cette sorte d'effet de surprise. Parce ouais. que, bah, je pense qu'ils ont vraiment trompé leur monde l'année dernière. Moi, le premier, parce que ça jouait vraiment bien avec, cette équipe vraiment, majoritairement, composée de joueurs formés au club. Je pense qu'il y a un effet de surprise qui va passer parce que du coup, bah, les gens vont avoir un peu plus peur, vont être un peu plus, sur la défensive. Est-ce que ça va continuer à marcher? Ça va continuer à marcher. Ouais, pour moi, j'avais déjà dit un petit peu ça sur le forum. L'effet de surprise en lui-même, comme tu disais, est passé. Du coup, les gens vont un peu moins se méfier. Mais bon, il y a quand même une équipe hein, derrière. Ça reste solide. Bien sûr, bien sûr. La majorité des joueurs ont été renouvelés, voire tout le 11 titulaire. Donc, c'est qu'il y a quand même une base. Après, si la casette ferme un petit peu sa gueule aussi, même si je l'adore ce joueur, faut qu'il prenne un peu sur lui, c'est pas le meilleur attaquant du monde. Et du coup, il peut pas gérer toute l'équipe à lui-même, quoi. Donc, va falloir qu'il ferme sa gueule et qu'il revienne un petit peu au niveau d'humilité qu'il avait un peu avant. Oui, bah oui, tu vas bien arriver à ce niveau-là, quoi, en tout cas. Un peu pareil pour tous les autres. Je pense surtout à Ferry aussi, qui a l'air d'avoir un petit peu monté son melon, alors que bon bah voilà, ses prestations sont pas terribles en ce moment. Non, effectivement. Et puis il faut un défenseur central, merde. C'est pas avec Bakary Koné qu'on va aller loin en Ligue des Champions. Bah, vous avez pris Jérémy Morel. Ouais, en backup de Bedimo. À sa place, quoi. Voilà. Sur le banc. De toute façon, quoi qu'il en soit. Après, là, j'ai vu, de toute façon, il y a quoi? Il y a Darder qui est en instance d'arrivée. Ouais, ça a l'air compliqué avec Malaga. Les négociations ont l'air douloureuses. C'est un milieu centre, ouais, qui pourrait rentrer à la place de Ferry ou de Tolisso dans le 11. Après, bah, ça parle de Fazio, Valbuena, Belanda. Ronny c'est Lopez. C'est beaucoup de joueurs offensifs, alors qu'il y en a des joueurs offensifs, quoi, à Lyon. C'est pas le problème, quoi, je dirais, je sais pas. Il y a même pas un 6 potable pour remplacer Gonalons, quoi. Ouais. Enfin, si, à la base, ça s'appelle Fofana, mais bon, s'il est pas blessé 8 mois sur 12. Voilà, je pense qu'on a vu aussi que Grenier, son physique était plus que limité, du coup, ils veulent assurer l'arrière s'il y a une deuxième blessure par la suite. Pour moi, je préférais un Belanda qu'un Valbuena, déjà. Ouais, bah, il est plus jeune déjà en plus. Déjà. Et éventuellement le prêt de Ronny Lopez qui peut venir aussi en soutien. Ça, il faut des joueurs pour la rotation parce que l'année passée c'est ce qui nous a manqué. On a été fort dépendant de la casette. Quand il a été blessé, on l'a vu, Lyon a fait des matchs de merde, ouais. Sans jeu, sans collectif, sans rien. Après l'arrivée de Beauvu, ça peut être pas mal aussi. Il nous manquait devant un joueur capable de marquer des buts de la tête. Beauvu était pas mauvais l'année passée. Et du coup, vous avez pris un mec qui vient mettre 74. Voilà. Mais ça peut être pas mal. En plus, si NJ part, ben il aura sa place dans le 11 de départ. Bah, Beauvu, en plus, autant il marque des buts de la tête parce qu'il est relativement bon là-dedans, autant je trouve surtout percutant et explosif, quoi. Ça peut faire des dégâts avec la casette et Fekir, quoi. Ouais, voilà. Mais après, si tu mets les trois titulaires, le problème, ça va être le banc, quoi. Parce que devant, en attaquant, surtout ouais, si tu perds un NG, quoi. Il y a Benzia qui se mette à progresser quand même. Faudrait que lui aussi perde son triple melon qu'il a. C'est un peu comme votre attaquant à Saint-Etienne là qui est parti à Hanovre. Le mec, il a un melon de fou et il accepte pas de retourner l'année passée. Il a fait un caca nerveux parce qu'il est retourné en CFA alors que le mec, s'il te plaît, il a rien prouvé, quoi. Donc non, il a jamais rien fait, Benzia. Non, c'est vrai. Donc bon, pour moi, c'est Benzia, c'est plus d'un de l'ordre d'un Taffer qui était soi-disant le nouveau Benzema que d'un Benzema justement. Ouais. Non, il faudra recruter éventuellement. Du coup, c'est pour ça qu'on se magne un peu sur les pistes offensives éventuellement. Mais il faudra peut-être un jeune de la TU19 ou de la réserve qui va monter. Mais pour moi, si Beauvue a été aussi repris pour faire une doublure de la casette éventuellement, et ensuite les joueurs de couloir, on peut faire décaler des gens quoi. Donc ouais. Il y a des solutions, mais faut les trouver tout simplement. Après, si vous prenez un meneur de jeu, Fekir peut aussi monter d'un cran. Même si c'est pas aussi, forcément aussi. Bah, moi, je le vois, il est meilleur en deuxième attaquant, donc en faux neuf, en fait, qu'en 10. Parce qu'en 10, il monopolise un peu trop le ballon. Bon, ok, il fait la décision. Mais, il est meilleur, gravitant autour de l'attaquant que d'être en 10, pur. C'est pas, moi, je trouve pas que c'est son poste de base, quoi. Après, on parlait des 6 tout à l'heure, justement, après, derrière Gonalon, il y a quand même Arnold et Mbemba qui peuvent être 6. Qui ça? Mbemba. Ouais. Je connais, placard, connais pas. Mais non, il était bien prometteur à une époque avec Rennes. Après, il a jamais avec été... Lorient. Après, ouais, Lorient, ouais, ça peut pas Rennes. Après, je comprends. Après, je le trouve plus 8 que 6, Mbemba. Ouais, il est plus relayeur que défenseur, milieu défensif. Ouais, Mbemba, voilà, quoi. On a fait le tour, je pense. Il a pas la confiance. Il a pas eu la confiance de Gardes. Il a pas eu la confiance de Fournier. Ça vaut ce que ça vaut, je pense. Ça donne des signes quand même. En fait. Au bout d'un moment, c'est que. Ouais. Voilà. C'est... Donc. On va voir. Enfin, juste qu'il confirme. Il va falloir que Fournier continue à faire son boulot, qu'il fait bien, et que les joueurs arrêtent et retombent sur terre les joueurs, c'est tout. Parce que. Voilà, c'est ça. Après, j'ose espérer qu'avec le retour de la Ligue des Champions, ça va les motiver. Bah oui, ça fait un peu, je pense. Et puis merde quoi, le retour de la Ligue des Champions. Alors il faut passer le premier, la phase de groupe, et il faut un huitième dans le nouveau grand stade. Alors le huitième cette année, j'y crois pas beaucoup quand même. Dépend la poule. Ouais, tout dépend la poule, voilà. À voir. J'attends vivement fin août ce tirage au sort, voir ce que ça va donner. Parce que vous serez dans le chapeau 3 voire 4. Ça peut être. Bon, sinon, je pense que Lyon, clairement, peut le mettre dans les 5 premiers à son prochain, quoi. À voir. Sauf si les blessures s'enchaînent, ça peut être vraiment très, qui tout double, selon justement l'effectif qui est encore jeune et, selon aussi les recrues qu'il va y avoir, selon le groupe des champions qu'il va y avoir, selon les potentielles blessures, ça peut être, entre la 3e et la 10e place, hein. Ouais, 10e, ça fait un peu loin quand même au vu de l'effectif, surtout la qualité qui a été montrée l'année passée. Après, vu le match du PSG, c'est tout à fait possible, hein, mais il va falloir du banc, il va leur falloir un retour des pieds sur terre quand même. Un retour de Bizevac déjà dans le 11, ça serait pas mauvais, parce que ben il a beau être ce qu'il est, Bizevac c'est pas le meilleur défenseur du monde, mais il apporte quand même un charisme pour les jeunes. C'est pas Bakary Koné. Voilà, putain, le Bako Koné, non mais faut arrêter de me parler de ce joueur, à chaque fois que j'entends son nom, j'ai envie de hurler, quoi. Le mec, je sais pas, c'est le plus grand imposteur du monde, je sais pas comment il a fait pour être titulaire à Lyon, quoi. Ouais. Mais, enfin, en plus, moi, alors c'est vrai que Morel a été pris pour être remplaçant de Bedimo, mais contre le PSG, autre fait des champions, Bedimo était là, tu peux mettre Morel dans l'axe, quoi. Ouais, après Morel était blessé, je crois, il revenait, je crois qu'il était blessé, il s'était cassé la gueule en vélo. En vélo. Ah ouais. Ouais, au niveau quand ils ont été faire leur stage à Tignes, si je dis pas de conneries, il s'est cassé la gueule en vélo, il a fait un soleil. Donc il aurait pu être défiguré à la Diagana, mais super. Ouais. OK. Donc on attend les recrues là qui vont arriver, j'espère Fadio, on a parlé de Yanga Mbiwa aussi, qui pourrait pas être Yanga mauvais. Mbiwa, ouais. Après, il était titulaire à la Roma, donc je vois pas pourquoi il partirait. Après, s'il vient à Lyon, il est titulaire, quoi. Ça, c'est clair. Parce qu'il est pas si bon que ça, la Roma, en fait. Ouais. Parce que, en plus, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est polyvalent, quoi. Oui. Il joue à droite, à gauche, dans l'axe, donc. Ouais, bah la petite recrue Raphaël, moi je voulais savoir, c'est un peu ce que t'en pensais aussi. Pour moi, ça a l'air d'être une bonne pioche pour le prix. Oui. Oui, mais pour le prix, pour la Ligue 1, c'est une très bonne. En fait, je pensais pas. Enfin, le prix pour moi, il est fou parce que c'est vraiment pas cher. Alors oui, il lui reste 1 an de contrat. Pour moi, il vaut le double, voire le triple, parce que même s'il a été un peu handicapé par des blessures, parce que c'est pas non plus un un surathlète, il est quand même bon, il est talentueux. Après, bah, il est meilleur offensivement que défensivement. C'est vraiment un brésilien, quoi. Voilà, brésilien. Maintenant, c'est pas non plus, je sais pas, moi, un attaquant pur. Non, je sais pas. Moi, je trouve que j'ai toujours vu avoir Lagnac. Il est parti vraiment, il a été remercié par les supporters de Manchester et tout, lors de son départ, là, lors des précédents jours. Pour moi, c'est une excellente pioche pour Lyon. Surtout qu'il a encore du temps devant lui. S'il s'en sort bien avec les blessures, il y a moyen que ce soit une très bonne pioche. Ouais. Vraiment. Ouais, je croise les doigts alors. Donc on a... c'est bon pour Lyon, vous avez encore des trucs à... Petit retour aussi sur le départ de Balouli, 3 millions. J'espère que surtout Monaco va réussir à le revendre plus cher et surtout que les bonus vont nous revenir parce que 3 millions, c'est beaucoup sans être assez pour moi. Balouli, il y avait quand même un peu de potentiel. Bon, ok, le mec, il a triple melon, encore une fois. Putain, c'est quoi cette génération de joueurs? On se demande. Mais 3 millions, c'est pas, pour moi, c'était pas assez, tout simplement. Après, ouais. on verra ce qu'il donnera à Monaco. Voir bah, si ça va pas pourrir le vestiaire. Déjà, il jouera pas à Monaco. Déjà. Et, ouais. Faut arrêter, putain, mais ils ont combien de joueurs offensifs, quoi? Les mecs, ils ont El Shaarawy sur le banc. Et à un moment, en fait, où, je sais pas, Balouli, il va pas jouer, en fait. Faut pas qu'il rêve. Le fait de se faire prêter, mais bon, enfin, bref. Après, moi, ce que j'ai jamais compris avec ce joueur, enfin, c'est pourquoi les entraîneurs lyonnais, notamment, enfin, Garde, même Fournier, pour lui préférer Ghezal, quoi. Parce que Ghezal, ouais, mais... on connaît, c'est... je me pose la question aussi, parce que Ghezal, il est nul à chier. Et je sais pas ce qu'il fout encore, il doit, il a dû verser sa petite enveloppe à Aulas ou un truc dans le genre, mais... je sais pas ce qu'il fout sur le banc, parce que bon, il a rien d'un titulaire, ce Ghezal. Voilà quoi, qui dégage. C'est aussi pour ça, je pense, qu'on a besoin des renforts sur le banc, c'est surtout des renforts sur le banc offensif qu'on a besoin. Donc, Ghezal, s'il peut sortir du banc, ça me va. Ah, okay. Là, si c'est lui qui rentre, si la casette se blesse, si c'est lui qui rentre, oh, ça va être dur quand même. Ouais, très dur. Donc on passe au prochain club, hein, le seul Olympique, le vrai, l'Olympique de Marseille. C'est petit ça, très petit. Donc voilà. Donc au niveau des recrues, alors c'est énormément de paris, hein. Abou Djabi, Nkoudou, Sarr, Lassana Diarra, Karim Rekik, Ocampos. Doria. ouais, c'est vrai. Il revient. Manquillo, voilà, Johan Pelé. Et alors un joueur, non mais imprononçable, enfin. Zambo Anguissa. Voilà, je sais pas si c'est marqué Camerounais. Zambo sur l'équipe. Ouais, c'est sur Zambo, je pense. Je suis sur la ligue, donc. Zambo Anguissa, donc voilà. Je sais pas si c'est tant des paris que ça. Je pense que c'est très bien joué de la part de Marseille. Ouais. Et que c'est pas fini. Ouais. Diaby et Diarra, c'est quand même des gros paris. Surtout Diaby. Il a fait un gros beau retour, je sais pas. Bon, Diaby a toujours été bon quand il a joué. Bon, faut qu'il joue maintenant. Et il a joué quand même que deux matchs sur les deux dernières saisons, hein, donc. Ouais, mais c'est pas grave. Ça, c'est l'Angleterre aussi. C'est les micmacs, c'est bizarre, c'est bon. Après, j'ai beau me dire que. Ou ailleurs. Voilà. J'ai beau me dire, il a fait un programme de reprise et tout le bazar. Tu m'excuses, mais les préparateurs physiques de Marseille sont moins équivalents à ceux d'Arsenal. Oui, bien sûr. Voire Arsenal sont meilleurs, donc. Maintenant, tout de suite, quoi qu'il en soit, il a rien coûté. Apparemment, il a un contrat relativement avantageux pour Marseille. C'est-à-dire qu'en fait, il va vraiment être payé s'il joue selon les performances. Donc, alors, ouais. Il s'est pas énorme, oui, donc, je trouve. C'est un pari, quoi. après, c'est vrai que peut-être les préparateurs physiques, mais apparemment le plus qu'on aurait, ce serait le staff médical, hein, puisque apparemment même en Europe on est considéré comme l'un des meilleurs staffs médicaux en Europe. C'est pas pour rien qu'il y a quelques saisons Arsenal le voulait justement pour s'occuper de Diaby, que Chelsea le voulait aussi, que le Paris Saint-Germain la saison dernière le voulait aussi. Donc voilà. Après c'est le staff qui a mis 3 mois à faire opérer Barada aussi, quoi, l'an dernier. C'est ça, voilà. Oui aussi. Ils sont peut-être compétents, mais niveau décision, c'est pas trop ça, quoi. Et au final, c'est pas eux qui sont sur le terrain. Aussi, oui. Mais après, Diaby, ouais, ça peut être parfait s'il arrive à jouer, parce que c'est le mec. Et après, maintenant, faut croiser les doigts, quoi. Après, avec Diarra, ça peut faire une belle doublette, quoi. Ouais, parce que Diarra, il est capable aussi, ouais, de gratter, d'éliminer un peu, de distribuer le jeu, il est pas mauvais aussi. Ouais. Après, pour moi, c'est pas Diarra que vous auriez dû prendre, c'est Mvila. La Diarra, pour moi, il est sur la fin de carrière et à voir après, hein, je dis pas, mais Ah, Mvila aussi, en même temps. Comme Valbuena, ouais. Ouais. Après, je pense que le problème de Mvila, c'est, peut-être qu'il y a eu l'idée, je sais pas, mais je pense que le truc, c'est qu'on sait très bien que dans un vestiaire, c'est un mec qui peut foutre la merde en deux secondes, quoi. Non, puis, non, mais au niveau du salaire, il est super cher, Villa, il demande énormément. Ouais, là, ça, là, il est prêté à Southampton aujourd'hui, il va être payé cher, il a un gros salaire, il est au Rubin, c'est ça, Rubin Kazan? Ouais, c'est ça, ouais. Il a un énorme salaire, je pense pas que Marseille puisse, enfin, je pense que si le Rubin Kazan le prête, c'est pour récupérer, enfin, pour que le club en face, voilà, prenne tout son salaire et tout, pour pas qu'ils aillent le payer. Je pense pas que Marseille puisse prendre son salaire, tout simplement. Non, c'est clair. Puis quand, enfin, Diarra vient avec un salaire, je crois, je me souviens pas de ce que j'ai lu, c'est 1,5 million d'euros par an. C'est pas énorme. Ouais, hein. c'est pas excessif non plus. Quand tu vois qu'on a payé 4 millions d'euros par an à Gignac, par exemple, voilà. C'est pas excessif. Ouais, Gignac, il vous l'a bien rendu sur la dernière saison. Ouais, ouais. Ouais, mais bon, parce qu'il voulait pas, parce qu'il voulait pas dans un grand club, il a réussi. Une bonne saison sur 5, c'est pas énorme. Hein. Non, c'est pas énorme. Et au niveau des départs, Diarra, Diarra a l'expérience aussi, quand même, par rapport à Envila. Oui. Ouais, là, surtout. Et Marseille a une équipe assez jeune, quand même, et ça va pas faire de mal d'avoir un gars comme ça, je pense, dans l'équipe, quoi, dans l'effectif. Après, au niveau départ, on a Imbula à Porto, 25 millions d'euros, c'est presque limite, ouais, une limite inespérée, quoi. Je pense pas qu'il valait ce prix-là, quoi. Et il valait pas 5 millions non plus, mais 25 millions, c'est... J'ai 20 millions, moi, sur l'équipe, j'ai 20 millions qui est indiqué. Donc il y a des bonus éventuellement. Ouais, je crois, ouais, c'est... Ouais. Mais je crois qu'en plus, c'est payable en deux fois, enfin, je crois que c'est 13 millions cette année et une dizaine de... L'année prochaine, je trouve. Non, votre pigeonnage du siècle, c'est que vous avez vendu Payet de 15 millions seulement, quoi. Ouais, Jordan Ayew. Ouais, c'est dur. Hein. Payet, c'est dur. Payet, c'est dur parce que, après, je comprends, il fallait des thunes vides pour aller à l'NDSTG, je trouve que c'est ça. Ouais, hein, c'est ça. Putain, Payet, comment il s'appelle, Jordan Ayew, il part pour 12, Payet, il part pour 30. En fait, il y a un moment, en fait, où il faut être logique. Il a été énorme cette saison. Meilleur passeur du championnat. C'est clair. International. Ouais. Bon, j'ai taillé Gignac, mais clairement, c'est les deux joueurs qui nous ont fait, qui nous ont fait saison, qui ont été énormes, quoi. Et donc, du coup, après, bon, c'est quand même 15 millions, c'est pas non plus, rien. Ouais, ça fait quand même 35 millions d'euros qui rentrent, ça va être de faire encore des sous pour rentrer, de toute façon, recruter des joueurs. Ouais. Il y aura des joueurs offensifs qui vont arriver, c'est bien. Après, on l'a vendu ce prix-là parce que, en fait, au départ, on comptait sur Imbula. Et comme on voyait que l'affaire Imbula, ça traînait, en fait, on a vendu Payet pour avoir les sous et... Ouais, mais c'est bien, une boule à 20 millions à Porto. Tain, l'Inter, c'était quoi? C'était 2 millions et 18 millions l'année prochaine. C'est ça, c'est toi. Non, mais. Après, il y a eu Valence aussi, mais c'était le bordel. Ils ont la brune en face, hein. Non, mais surtout qu'en plus, sur un malentendu, ça peut passer. Surtout qu'en plus, c'est une boule à qui a refusé l'Inter, c'est pas le club, quoi. Il a refusé l'Inter, il a préféré la Porto. Déjà, il a eu raison, je pense. Simplement, parce que, il va pouvoir repartir à Chelsea dans 3 ans. Un mec qu'on donne pour 40 millions en plus, enfin, n'importe quoi. Non, mais c'est génial. Et non, mais Imbula, ce qui est bien, c'est que pour moi, il a pris le club parfait pour continuer à progresser tout en jouant vraiment le haut de tableau dans un autre championnat et dans un club qui est... voilà, oui. Ah, mais ouais. C'est sûr, dans 2-3 ans, tu le vois partir dans un gros club anglais pour 60 millions, à 40-45 millions pour moi. Ouais, clairement. Donc, c'est mieux ça qu'Inter. Je crois que c'est le plus gros achat de Porto. Mais ouais. c'est un achat qui va leur apporter énorme, quoi. C'est énormément. Je pense qu'ils ont bien fait, ouais. En plus, c'est énorme, mais c'est... Ils sont malins. Ce genre de joueur comme ça, défensif relayeur, c'est quand même rare d'en avoir des très bons. La plupart cassent la gueule, et lui, il a fait quand même une super saison. Suffit qu'il s'entoure du petit agent Jorge Mendes, Oh, c'est foutu. c'est tous les grands clubs, là. Non, si c'est à Monaco, quoi. Voilà, c'est ouais. Ça. Si c'est avec Mendes, il va à Monaco l'an prochain. Non, mais voilà. Après, au niveau départ, il y a Ayew, effectivement. Enfin, le contrat, c'est un peu... Ça fait chier, non, mais je veux dire, il aurait pu... Quand je vois que Nasri avait signé un été avant pour se mettre d'accord et pour partir, tu vois, qu'il part pour 15 millions. Là, Ayew, franchement, c'est bon. Il aurait pu faire plus ou moins la même, quoi. Alors, ok, il a pas été formé au club, mais quand même, quoi. Si, il a été formé au club aussi. Pas formé à Lorient? Non, il avait été prêté à Lorient. Donc voilà, c'est un peu abusé, quoi. C'est un peu abusé. Autant Gignac, bon, voilà, enfin, c'est pas grave, tu sais. Autant Ayew, ça fait chier, quand même, quoi. Après, il chiale dans le stade, c'est bien, tu sais, bon. pense à ton club, quoi, je sais pas. Ce qui m'a fait marrer, enfin, son départ, c'est que le mec dit, je veux partir de Marseille pour aller dans une équipe ambitieuse. Bah ouais, Swansea. Okay. C'est pas mal, Swansea, mais ils vont finir 8e, quoi, au mieux. Ils ont été très mauvais l'année passée, Swansea. Alors qu'ils ont une grosse équipe, en plus. Bon, après, ça veut dire qu'ils ont une grosse équipe, ouais. Une grosse équipe, ouais, ils ont Gomis. Voilà. Eh, hey, c'est... Oh. C'est gros, hein. C'est... Non, mais C'est gros, oui. Il a trouvé une équipe ambitieuse au niveau du salaire qu'on peut lui donner. Non, du coup, il est content. Bah, 8 millions d'euros à la signature, ça va. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'il a pas prolongé, je pense, pour avoir la prime. La signature. Putain, ça. Ouais, ouais. Ah ouais. C'est ça qu'il prolonge pas, à mon avis. Et après, il pleure dans le stade. Parce qu'en fait, en plus, on lui a proposé de prolonger avec le salaire qu'il avait déjà. C'était, ah, c'est-à-dire 300 ou 350 000 par mois. Ben, c'est vrai, c'est bon, tu crèves pas la dalle avec 350 000 par mois. Non, mais ouais, il aurait dû faire un effort pour son club formateur. Enfin, je veux dire, tu re-signes pour 2 ans minimum. Tu re-signes 2 ans, ben, on te promet de partir et tu pars. Et puis, il y a un club anglais qui fout 10 patates et puis, ben, ça leur convient à Marseille. Bon. C'est bon, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Après, un départ qu'a dû faire pleurer Steven, c'est Fanny. Ah, Fanny, hein, c'est dur, hein. C'est très dur. C'est très dur. Voilà, c'est le grand ami de Steven. Ouais, parti à Doha, ouais. Ah non, en plus il y avait ça, des rumeurs de prolongation quand même dans l'air, hein. Ah, il savait pas ce qu'il voulait. Il avait super, tu sais. Ouais, mais ça se voit sur un terrain de football qu'il sait pas trop ce qu'il veut, il sait pas trop ce qu'il fait là. Il sait pas trop ce qu'il fait, ouais, voilà. Non, ouais. Non, non, pour l'instant. Ce qu'il fait, c'est moral. Pour ça, l'année prochaine. C'est très bien ce qu'il fait, lui, Morel. Il s'en fout. Non, mais Morel, pour moi, enfin, après, voilà, l'année passée, il a pas été mauvais. En tant que remplaçant éventuel dans l'axe ou à gauche, il peut c'est dépanner. Bien, hein. Il peut dépanner. C'est très bien. Après, dans l'axe, ouais, je veux bien. Après, à gauche. C'est pas la recrue du siècle, je suis d'accord, mais il vaut ce qu'il vaut. C'est ça. Non, ouais, c'est une mentalité et tout. Ouais. Sur les recrues après, en général, franchement. Vas-y, continue. Je disais, pour moi, c'est toujours mieux qu'un Brison. Hein. Ah, il y a toujours mieux qu'un Brison. Vous pouvez chercher un mec de l'équipe des moins de 18 qu'un Brison, en fait, je pense. Et j'imagine une petite pub, tu sais, maintenant, c'est toi aussi, achète un Brison. Avec un petit gars qui met le pouce en avant, tu sais. Ouais, non, c'est dur, Brison. Mais bref, non, bah là, Marseille, sur leur honte, déjà, sur les reculs qu'ils ont fait pour l'instant, bah, en dehors des paris, Diarra, Diaby, où on sait pas trop ce que ça va donner, bah, des mecs comme Manquillo, je pense que ça peut être vraiment intéressant, c'est vraiment qu'on se rappelle qu'on est quand même en Ligue 1, Nkoudou, je pense que ça peut être pas mal, Ocampos, c'est un si peu cher. Ouais, bah, pour moi, c'est cher, 7,5 millions. Après, ils ont payé la moitié il y a 2 ans, Monaco, quoi. Il a payé le double, je veux dire, ils ont payé 15 millions, hein, donc, ils l'ont vraiment bradé, quoi. Il avait une option, je crois. Ouais, il y avait une option si Monaco était en Ligue, Marseille était en Ligue des Champions, on payait 13 millions d'euros. Ouais, donc finalement 7 millions d'euros. C'est pas mal. Ça, quoi. Est-ce que le calcul n'était pas fait d'avance? La Brune voilà, a bien donc... négocié pour une fois. Ouais, c'est clair. Rekik, je pense que ça peut être très très bien. Je connais pas. Bounassar. Faut demander l'avis à Ferdi, je pense. Ouais. Et Bounassar, c'est pas cher pour ce que je pense qu'il peut provoquer, être intéressant. Voilà. Mais non, bien évidemment, il y a encore des joueurs qui sont plus ou moins en instance d'arrivée. Ouais. Milton Casco, il a pas signé du coup encore Bah pas encore apparemment. Enfin, c'est quasiment fait, mais il y aura juste des papiers administratifs à. Ouais. Faire. Et du coup, lundi, apparemment, il est là, quoi. Moi, je lui souhaite de pas passer la même visite médicale que Di Maria, quoi. Parce que pourquoi 4 jours de visite médicale. Ouais, 63 millions d'euros, t'es marrant. Ouais. On en reparlera après. Non, mais après, Bounassar, aussi, t'en parlais, c'est vrai que moi, c'était peut-être le joueur sur lequel j'étais le plus sceptique. Et en match de préparation, il m'a franchement étonné, quoi. Mais il est content, parce il a joué. Parce que balle au pied, c'est, voilà. C'est, franchement, il est assez bon balle au pied, hein, techniquement. C'est pas Nkoudou, quoi, c'est clair. C'est pas Nkoudou. c'est un peu plus un tout droit, quand même, Nkoudou. Ouais. Non, il leur manque encore un bon milieu central, je pense. Pour vraiment placer Imboula, parce que pas non plus compter que sur Diaby et Diarra, faisant Diaby, faut qu'il soit prêt, il pourra pas jouer avant septembre. Donc voilà, il manque encore un milieu. C'est con qu'Aranguiz ça se fasse pas, parce que je pense que c'était vraiment bien pour le championnat, je pense. Du coup, bah tant pis. Et puis voilà. Après, pour le milieu, il y a des rumeurs. Il y avait Amarté, là, le Ghanéen, qui est sur FM, mais alors après, c'est tout. Je connais pas plus que ça. Et il y a Guzman de Naples, apparemment. De Guzman, il est super bon, Jonathan De Guzman. Il est super bon. Bah, il est super, super polyvalent, quoi. Bah, à la base, il était plus offensif avant, et il a reculé, justement, petit à petit. Mais j'ai l'impression que c'est ça, sa faiblesse, c'est qu'il est trop polyvalent, ce joueur. Et tu sais pas où le caser, au final. À voir. Après, moi, je pense que Bielsa, il peut, il peut faire beaucoup. Après, c'est là la chance que vous avez, je pense, Marseille, c'est vous avez Bielsa, quoi. Et en plus, il a confirmé qu'il allait prolonger son contrat cet après-midi, donc c'est génial. Voilà. Ouais, et du coup, Doria, est-ce qu'il va avoir sa chance? Ah, bah non, mais jamais de la vie, c'est mort. Il est pas bon, en fait, hein, simplement. Et Bielsa fait une conférence de presse, il a cité tous les défenseurs centraux possibles. Le seul qu'il a pas cité, c'est Doria. Bon. Non, mais il est pas bon, je pense. Hein, je pense... Bon, en plus, c'est sûr, en ce moment, Marseille, il n'aime pas payer Botafogo, de toute façon. Donc, c'est ça, voilà. Ouais. Il n'est pas chez nous. On l'a pas acheté. Ah, c'est une blague de rien. Bon. Non, mais ouais, ouais. Après... Ça, c'est le mec qui est passé d'espoir, méga espoir de la défense brésilienne à moins que rien, quoi. C'est ça. Bah, c'est ça. Faudrait le voir jouer, quoi. Après, on en a vu des espoirs se casser la gueule, hein, c'est... Oui. Ouais. Enfin bon, là, le mec a fait le mauvais choix de carrière, quoi. Partir à Marseille et pas jouer. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Alors qu'il sortait apparemment d'une bonne saison au Brésil, quoi, donc. C'est un très bon tournoi de Toulon. C'est ça. Et voilà. Super. Sinon, pour parler des recrues, il y en a une dernière qu'on n'a pas citée, c'est Yohan Pelé, qui pour moi est la meilleure doublure en Ligue 1 derrière Sirigu, clairement. Il a fait, franchement, et déjà c'est un joueur qui revient de loin, donc déjà je pense qu'il aura envie de jouer. Donc, bah, ce show c'est loin, hein, faut faire gaffe. Bah, il risque vite de jouer si Mandanda part à Tottenham, quoi. Non, parce que si Mandanda part, c'est Costil. C'est Costil qui va venir, ouais. Ouais, Costil, quoi. Après, ce que je trouverais de dommage, effectivement, si par Mandanda part et que tu prends un autre gardien, c'est que Samba, il faut le vendre, quoi. Parce que sinon, ça sert à rien, mais qu'il jouera jamais, quoi. C'est clair et net. Oui. Là, si tu prends un, si Mandanda part, il a 21 ans, de toute façon, donc. Mais il a été prêté, Samba, de toute façon. Ouais, et annoncé, ouais. Ouais, donc, cette année, il jouera pas à Marseille, quoi. Non, c'est sûr. Non, mais après, s'il revient l'année prochaine, il jouera pas non plus, quoi. Si tu prends un autre gardien. Ouais, pas faux. Faut pas un goal pour un an. C'est ça. En attendant que l'autre. Ou alors, au pire, faut prendre un mec, en prêt, style un Navas, Derea, bah. Ouais. Voilà, là, bon courage pour la négociation, parce que. Ouais, non, mais sinon, un mec, je sais pas, moi, un mec qui joue pas dans son club, style, par exemple, un Navas qui, à mon avis, si Derea va à Madrid, il jouera jamais, tu vois. Puisqu'ils ont pris Casilla, s'ils prennent Derea, Navas jouera jamais. On pourrait tenter, mais bon. Ouais. Je pense que là, au niveau salaire, c'est trop, je pense, pour Marseille. Non, pour moi, ils auraient dû, c'est surtout prendre l'année passée, Ochoa. Il s'est perdu au Malaga, il avait quand même, Cette année, je crois, ils en parlent. Bah, cette année, ils en parlent encore, ils cherchent un club, hein. Ils seraient pas titulaires. Même Toulouse, ils n'ont pas voulu, je crois. Ouais. Non, c'est ça. Peut-être trop d'argent. C'est peut-être le salaire, en tout cas. Il est surcoté, surtout, faut arrêter. Il est bon sur sa ligne, mais c'est tout, quoi. Le mec, à un moment, en fait, il était si bon que ça, il a pas passé 3 ans à Ajaccio, en fait. Et il galérait pas à retrouver un club maintenant aussi. Voilà. C'est ça. Moi, j'ai pas ça. Après, le marché des gardiens est tellement compliqué que c'est... Ouais. C'est chaud de faire venir un joueur que tu sais qu'il jouera pas, alors si t'as déjà ton gardien en place, tu vas pas t'intéresser forcément à lui. Garde Mandanda, ça fait combien de temps qu'il veut partir et qu'au final, il est encore là, quoi. Enfin... Bah, faut dire que sur les saisons dernières, les gardiens ont pas beaucoup bougé, quoi. Ah non, c'est c'est l'effet domino qui doit être fait, quoi. Il y a un gardien qui doit partir pour qu'un autre parte. C'est tout petit comme marché, en fait. Bah, apparemment, ça serait, enfin, en gros, ça serait quasiment tout à conclu. C'est-à-dire, si Derea va à Madrid, Loris va à Manchester, Mandanda va à Tottenham, et Costil vient à Marseille. Voilà. Mais bon, Mais qui ira à Rennes? Navas. Ça aurait été beau, Casillas. Ouais. La boucle aurait été bouclée. Donc, voilà, on a fini avec le futur champion de France. Ou pas. Champion d'automne, alors. Ah, c'est déjà pas mal. Champion de la première journée, peut-être. C'est possible. Et encore que parce que quand, ça va forcément être ça. On va se mettre à 30 en banque. Alors, messieurs, c'est bien. On se souvient de la saison dernière, quand même. J'attends surtout le match entre Lyon et Marseille. Il y a un petit but de la tête de Morel sur corner. Comme ça. C'est Valbuena, non? Ou Valbuena, voilà. Ah, non, alors si Valbuena marque de la tête, c'est qu'on a... Voilà. Donc, on passe au prochain club, hein. L'AS Monaco. Football Manager, AS Monaco. Ou alors c'est... Les mecs, ils ont vendu 15 joueurs, ils ont acheté 15 joueurs. C'est n'importe quoi. Tu regardes la liste des transferts, c'est un truc de fou. Non, mais c'est n'importe quoi. Ils ont 70 millions. Ils ont vendu pour 70. Déjà, vendre Yannick Carrasco Ferreira 20 millions d'euros, 20 c'est millions, plaisanterie. Ouais. Parce que, mec, non, mais, ah ouais, il est pas dégueulasse, tu vois. Il est aussi bon que, je sais pas, Romain Amouma. Faut arrêter, tu sais. Il est fort, Carrasco. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, il est fort. C'est quoi ses stats, Carrasco? Je vais regarder, tiens, en direct. Bah, franchement, je le connais pas, mais tu vois qu'il a du jeu, il a joué en Ligue des Champions, tu vois. Ah ouais, il lâche pas de ballon. J'ai jamais trouvé extraordinaire. C'est le futur hasard, mais. Maintenant, il a quand même beaucoup de potentiel. Non, j'ai lâché Tico, il va aller super bien, c'est un joueur qui se donne à fond. Il a marqué 8 buts, 13 passes décisives l'année dernière. Voilà. Pas mauvais. pas mal. Il a fait 4 buts, 3 passes d'ess avant, et en Ligue 2, il avait fait 8 buts, 8 passes d'ess. Donc voilà, le mec, après, il reste sur une très bonne saison en Ligue 1. Voilà. Voilà, ça va être le credo de Mars, de Monaco, ça va être les joueurs qui ont explosé dans la saison, ils vont être vendus, ouais. Et on va reprendre des petites pépites. C'est beau, hein, c'est beau. C'est leur nouveau, leur nouveau plan de bataille, je pense. Alors, on parlait de Ferreira Carrasco, mais je pense que la plus grosse escroquerie. Kondogbia, putain. 40 millions, quoi, c'est énorme. Bah après, il avait payé 20. Il avait payé 20. Bah déjà, 20 à l'époque, c'était cher, mais 40. Ils ont doublé. Bah à l'époque, il était courtisé quand même par le Real et l'Atlético, ouais, si je dis pas de conneries. Ouais. Donc il y avait quoi derrière. C'est pour ça qu'ils l'ont un peu surpayé, mais là, ils ont doublé la mise en 2 ans, quoi. Donc, c'est très bon investissement. Il a pris, ouais. Il a pris du galon quand même, il est devenu plus constant. Déjà, ouais, après, c'est partir à l'Inter, quoi. Partir à l'Inter, voilà, c'est surtout le choix de carrière. Pour aller finir 7ème en Serie A, j'ai pas l'intérêt, quoi. C'est surtout le choix de carrière, partir à l'Inter. Après, il y a Berbatov qui est parti. Ouais. Tu vas faire liste du départ, hein, s'amuser. Des gros départs, on va dire. Berbatov. Bon, Falcao, ils le vendront jamais, je pense. Voilà. Sinon, bah, par Germain, Obadi, Ocampos, c'est tout, quoi. Au niveau ouais, Mdinga, ou, Stekenburg, donc il n'a pas vraiment joué. Non, ouais, après, au niveau des achats, pareil, c'est beaucoup, quand même pas mal de jeunes, aussi. Saint-Maximin, surtout. Et de mecs, ils ont payé cher, inconnu au bataillon. Voilà, ils ont voulu, je crois, faire de l'aide humanitaire cette année en Ligue 1. 5 millions pour Saint-Maximin, 14 millions pour Traoré, 4 millions pour Corentin Jean. Ouais, bah, c'est juste pour Thomas Lemar, 4 millions, c'est cher, quoi. Autant Corentin Jean, bon, ça peut être un bon espoir en devenir, ok, Thomas Lemar, je sais pas. Ah, oh, Thomas Lemar, ah, il joue en Ligue 1, moi, lui, l'an dernier, quoi. Ouais. C'est vrai, Non, mais ils ont voulu faire de l'humanitaire. Pour moi, c'est de l'humanitaire, là, à ce prix-là. Juste tout son potentiel. Après, il suffit qu'il y en ait un qui explose et qu'il arrive à vendre 20 millions, ben. Pas faux, après. On libérera vite les deux autres et ils seront après, leur bonne pioche, c'est l'attaquant de Benfica et le petit Argentin, là, Cario et Cavalero. Pour moi, ça peut être des bonnes pioches devant. Surtout, il me semble, Cario, il avait un physique assez large, à 1m91, si je dis pas de conneries, il peut peser sur la défense, c'est ce qui manquait, je pense, aussi, sur leur attaque à Monaco, c'est que Berbatov, ok, il est nonchalant, il est tout ce que tu veux, mais, Cario, il peut être un point d'ancrage dans les défenses adverses, quoi. Voilà. Après, surtout qu'il a fait quand même pas mal de, j'ai vu un peu ce qu'il faisait en Ligue des Champions, il a pas été trop mal, mais, à voir sur la durée, quoi. Il y a El Charaoui qui arrive aussi, quoi. Ça c'est un pari à la Abu Dhabi à mon avis aussi. C'est si le mec fait déjà plus de 15 matchs je crois dans la saison, il y a option d'achat obligatoire. Il a bien commencé au moins lui. Mais il a bien commencé. Bien vu, après ça peut être une bonne pioche aussi hein, Charaoui quand il était en forme avec le Milan qu'il était pas blessé, c'était pas mauvais. Bah après le Charaoui c'est vraiment c'était une hype sur il avait marqué 12 buts en 3 mois je crois. Et là, tout le monde le voulait. Chelsea était prêt à mettre 60 millions d'euros dessus à l'époque. C'était à 2 ans et demi, je crois. C'était la folie furieuse. Et après, bah, ça a été un peu le soufflé qui retombe parce que voilà, beaucoup de petites blessures, pas de grosses, parce que genre des petites. Et puis finalement, il a quand même très peu joué. Maintenant, c'est un joueur qui est déjà extrêmement bon, qui est pas que un mec avec du potentiel, quoi. Il est vraiment bon. Alors oui, c'est 25 matchs sur la dernière saison avec juste 3 buts l'année dernière. C'est pas évident, mais bon, il avait fait en tout cas une bonne saison avec l'AC Milan il y a 3 ans, il a marqué quand même 16 buts en championnat. À voir, je pense que ça peut être pas mal. Surtout qu'en plus, il est que prêté. Je crois pas que l'option achat soit obligatoire. Je sais pas comment. Si il joue 15 matchs dans la saison, c'est obligatoire. Ouais, voilà, c'est 18 millions, je crois. Ouais, c'est 15 ça. Quoi, ce championnat. Ouais, je sais pas par contre. Non, je crois que c'est 15 matchs en tout. Je crois. 15 matchs en tout. D'accord. Ouais. Okay. C'est bon, j'aurais pu calculer un peu. On peut le faire jusqu'à Noël. Rester qu'en coupe et après le faire en championnat petit à petit. Non, il y a moyen que ce soit bon. Après, c'est lui, ça va être vraiment, c'est ça. C'est la condition physique qu'il va jouer parce que lui, en tant que joueur, il n'y a pas de problème. Il est largement titulaire, n'importe quelle équipe de Ligue 1. Pas de problème. Après, je pense que Berlusconi doit avoir les boules de ne pas l'avoir vendu au moment de la hype. C'est pas faux aussi, ça. Écoute, il a perdu 60 millions, quoi. Ouais. C'est pas vraiment, après. Est-ce que vraiment Chelsea allait les mettre? C'est toujours aussi un peu, c'est les rumeurs, Non, à voir. Alors, je pense que c'est comme une bonne pioche pour, je pense pas qu'il partirait à Monaco, le Charaoui. Donc, je suis quand même bien le Milan, je suis étonné. C'est une surprise aussi, je le voyais pas trop. Après, moi, pour cette saison, le souci, c'est quand même cette équipe, elle est super jeune, quoi. Bah, il y a pas mal. Non, c'est bon, il y a Ricardo Carvalho qui équilibre tout, en fait. Qui remonte. Et le petit Pasalic, alors, qu'est-ce qu'il vaut? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà vu jouer? Ou parce que, j'en entends du bien. Tout le monde était enthousiaste après le premier match de Ligue des Champions, Ouais, mais, il a fait un bon premier match de Ligue des Champions, mais bon. Ouais, pour moi, il est inconnu, quoi. Donc, Bah, peut-être la bonne surprise de. De toute façon, il est que prêté, hein. Il est que prêté. Ouais, je vois ça, il est que prêté. Maintenant. Attends, je crois que c'est un espoir de Chelsea, donc si vraiment ils croient en lui, bon, ils vont pas le prendre. Voilà. Ouais, Chelsea, tu sais. Ouais, c'est vrai. Putain, ouais, quand je regarde leur liste d'arrivées de départ, c'est un truc de fou, quoi. Il y a des joueurs qu'ils ont achetés il y a 2 ans, enfin, Edgar Sali, Marcel Tisserand, des joueurs de Ligue 2 qui étaient encore là, quoi, donc, Ah ouais. Bah, après, Tisserand, il est encore jeune, ils ont des informations, mais Sali, c'est vrai qu'il n'a jamais été super bon. Après, là, des mecs comme Pandore, comme Pi, comme Tisserand notamment, c'est vraiment des joueurs de centre de formation. Ouais. Il y en a un aussi qui était quand même donné comme un espoir en Ligue 1 et qu'on n'a jamais vu qui est parti, c'est Zimat Mirin, quoi. Ah bah Zimat Mirin, il avait fait venir à Saint-Etienne l'année dernière, finalement il a préféré aller au PSV Eindhoven et finalement il est transféré définitivement là-bas. Ouais. Bah voilà, à voir, hein. Il a remplacé avec lui là-bas. Et en plus, il a pas beaucoup joué la saison dernière à Eindhoven parce que les titulaires c'était Bouma et Rekik, donc Non, il a joué 15 matchs en championnat l'année dernière. Ouais, c'est pas... Alors. Amuse-toi, régale-toi. Bah, Eindhoven a dû le signer justement parce que Ricky qui était parti, du coup. Ouais, je pense. Il jouera comme très bien. Comme il avait déjà voilà un pied au club, autant le transférer définitivement. Pour moi, ça peut être une bonne pioche là-bas. Un peu con que Monaco l'ait vendu parce que ça faisait toujours un joueur formé en France pour la Ligue des Champions éventuellement. Mais, parce que là, il va leur en manquer quand même. Hein. Des joueurs. Ah quoi que non, ils récupèrent Lemar, Balouli, non. Ouais. Bah après, faut mettre les joueurs aussi qui sont formés au club, quoi. Ah, ouais, aussi, ouais. Ça risque d'être plus drôle, par contre. Ouais, c'est ça, ouais. À voir. Monaco, on part encore une fois. Là, les deux premiers matchs en Ligue des Champions, c'est quand même prometteur. Après, les Young Boys de Berne ont quand même pas été extraordinaires. Surtout au match retour, où ils ont vraiment été dégueulasses, même. Voir en championnat, à voir si ça prend la mayonnaise, parce que c'est quand même risqué de la jouer comme ça, de la jouer à faire venir 1000 joueurs et de voir un peu comment ça passe. Jardim est quand même un bon entraîneur à la base. C'est un bon bâtisseur, Jardim. C'est un bon bâtisseur. C'est donc, un Portugais, quoi. Je t'ai tendu la perche. Hein. Oh putain. Dédicace à Guigui au passage. Et maintenant, on va voir si le ciment prend, quoi. Moi, j'ai un bon feeling, quoi. Je sens bien. Bah le match retour là contre les Boys de Berne, seconde mi-temps, c'était impressionnant. Donc jamais ils arrivent à tenir un niveau de jeu de ce style-là en Ligue 1, il y en a qui vont pas comprendre effectivement. Ouais, mais par contre le match aller était super compliqué, hein. Alors, j'ai pas vu le match aller, il paraît que c'était du mal. Hein, 3-1, ouais. Mais alors jusqu'au premier but de Monaco, ils ont non. Oaro, il a failli marquer quand même, une ou deux occasions quand même. Hein. Dont une quasiment toute faite, hein. Il avait juste à mettre sa tête et il a foulé à côté. Du grand Oaro, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, pour le club de Jorge Mendes, hein, parce qu'on peut l'appeler comme ça maintenant. Ouais. Le Jorge Mendes FC. C'est ça. Non, AS Mendes. D'ailleurs, il pourra bientôt leur payer un petit voyage sur son île privée payé par Ronaldo. C'est ça, ouais, c'est. Et puis, l'an prochain, il pourra leur refiler Caio, qui voulait refiler à Valence, et que ça, c'est pourri. Je pense que l'année prochaine, Caio sera à Monaco. Hein. On peut déjà l'annoncer. Voilà. Donc, on va passer, à Montpellier. Voilà. Courbis, Courbis, tout ça. Quoi. Qui sont plus ou moins pas de faire signer Yvan Gourcuff. Ah ouais, mais ça, c'est comme dit Maria, ça fait 4 mois qu'on en, ça fait 3 mois, 1 mois qu'on en parle, mais il est jamais pas de choupard. Ah, Dima, elle a signé aujourd'hui, du coup, c'est bon. Ouais, hein. Ouais. Ça peut arriver. Mais, Ouais, vas-y. Sinon, niveau recrutement, il y a Boudbouze, qui est quand même un coût énorme, surtout au niveau de prix. Ouais, c'est à peu près tout, hein. Après, sinon, c'est des joueurs de Ligue 2. On connaît pas beaucoup, on connaît pas trop. Roussillon, arrière gauche de Sochaux. C'est du retour de presse de l'équipe de France aussi. Ouais. Ils ont perdu Barrios, dommage. Ouais, et El Kaoutari aussi, et Gébourg, ouais. Je sais pas, Montpellier, c'est mi-chaud, mi-froid. C'est Montpellier, quoi. Ouais, c'est grand chose. Des fois, ça joue bien, des fois, ça joue pas bien, tu sais pas trop. Ouais, grand départ aussi de Siakatiné, quoi. Ah, Siakatiné. Ouais. Ah ouais, les deux fins de contrat, ça a passionné Karim et Itfana. Ouais. Des bons joueurs. Mais Itfana s'entraîne toujours avec Montpellier, d'ailleurs. Ouais, mais après... Il va falloir trouver le remplaçant à Barrios, quoi, c'est tout, après. Bah, ils ont Berigo, mais... Le reste, ça change pas, quoi. Ouais. Non, ça va pas beaucoup bouger. Ouais. Finalement, Boutbouz vient pour remplacer Sanson, qui est blessé, quoi, c'est tout. Attends. Ouais, Sanson risque de partir aussi, je pense. Cette saison, j'y crois pas. Même si Marseille, apparemment, est bien dessus. Je pense qu'à mon avis, les clubs vont attendre de voir comment il va revenir, quoi. Ouais, je pense aussi. Il s'est fait les croiser, je crois. Parce qu'Aït Fana, à l'époque, il était quand même super courtisé, tu vois, qu'il part en fin de contrat maintenant. C'est ça, ouais. Enfin bon. Ouais, c'est la hype qu'il y a eu autour après leur championnat de 2012, si je dis pas de conneries. Voilà quoi. Ah ouais, c'est... je pense qu'ils ont dû bien palper après leur titre. Ah bah, c'est ce qui a aussi coulé un petit peu la suite du club, c'est que ils ont tous demandé leur part du gâteau et puis bah. En fait, on dit souvent en France que vaut mieux pas finir champion, vaut mieux finir deuxième. Pour les primes, c'est ça, ouais. Au niveau des primes, mais au niveau des salaires après, c'est. Ouais. Enfin, quoi que l'on a fini deuxième, ils ont bien augmenté les salaires aussi cette année. Ouais, mais on était obligé pour éventuellement l'année prochaine faire des ventes. Il y avait pas mal de joueurs qui leur restaient un an ou deux ans de contrat. On était obligé de re-signer un peu tout le monde dès à présent, et puis bon, c'est pas plus mal. Au moins, on est sûr qu'ils partiront pas en fin de contrat, tel un Jordan, tel un André Ayew. Ouais. Ah ouais. Donc voilà. Donc Montpellier, saison à peu près comme la saison dernière, quoi. Ouais. Ils sont pas à l'abri de descendre à Montpellier. Note. Je pense que c'est pas à l'abri de faire une sale saison et de se casser la gueule. Ouais, je pense pas quand même. Je pense pas. Ah, juste que c'est pas à l'abri. Je dis pas qu'on est ça. Attention. Bon, après, ils ont plus de chances de descendre que d'être champion. Ça, c'est sûr. Ouais, bon. Ouais, mais avec Courbis, ils feront toujours quelques coups à droite à gauche. S'il finit sa saison et qu'il finit pas en prison d'ici là, ouais. C'est sûr. Pour, hein, Courbis, même depuis la prison. Hein. Et attention, parce que, on sait jamais, il peut y avoir aussi un embrouille entre Courbis et Nicolas. Ça, par contre, non, ils se connaissent trop. Ouais. Ouais, c'est une petite guéguerre qu'ils ont, mais c'est entre petits papis, ils kiffent ça, je crois. Une petite mafia, hein, ça marche bien. Ouais, mais je crois que quand il avait entraîné Montpellier en Ligue 2, Courbis, il y avait eu gros embrouille, justement, il s'était fait dégager d'ailleurs. Oui, mais il serait pas là aujourd'hui, ça serait pas vrai. Oui, ouais, c'est sûr. Ouais. Nicolas, il gère tellement tout dans son club que c'est pas lui qui signe les feuilles de match, donc à un moment, en fait, où s'ils s'entendent pas, je pense. Que... Par contre, au niveau entraîneur, c'est pas génial quand même. Hein. Ouais, c'est pas GG, mais. Entre Fernandez, Gérard, Courbis, l'enchaînement. Voilà, donc on va continuer le déroulé. Donc avec le prochain club, donc le Nantes, entraîné par Michel Derbertarian, avec des arrivées, alors Sig Thorsson de l'Ajax. Il est pas des dieux, Sig Thorsson, il y a moins que ça soit pas mal du tout. Après, il y a Salah, Thomasson d'Evian, Mwembe de Brest, mais alors. Adrien Tavares de Flamengo. À voir. Adrien qui est une star FM lui aussi. Ouais. Hein, voilà. Et bah, voilà. Thomasson, pas mauvais quand même d'Evian. Ouais. L'an dernier, il a fait une bonne fin de saison, je crois. Ouais, c'était pas très mauvais. Par contre, on est au départ. Ils se sont lâchés là, surtout Nantes. Ils avaient une interdiction de recrutement depuis un petit moment maintenant. Là, ils se sont lâchés du coup sur le recrutement. Ils ont fait péter le chéquier, là. Surtout le fait d'avoir vendu Veretout super cher, 11 millions d'euros. Aston Villa, ils font quoi ? Ça se vend 11 millions pour Veretout, 15 millions genre à ma vie, 12 millions pour Ayew. En fait, ils se sont dit, on va payer cher les joueurs moyens de Ligue 1. Les gars, ça va être super bien. Les joueurs moyens, voire mauvais, quoi. Ben ouais, après, c'est tout, ils ont dit que c'était un joueur spécial, je crois. Ils vont acheter Fabien Lemoine 1 million d'euros, c'est quoi la suite, sérieusement? Allez-y, hein, y a pas de souhait. Ils aiment bien les Jordan, apparemment. Hein. Flash spécial, ils vont surenchérir sur NG, ils vont le recruter 30 millions. Le pire, c'est qu'ils sont très capables, en plus. Non, mais Nantes, après, sinon, Nantes, mais ils ont quand même gardé leur, plus ou moins leur colonne, de joueurs. Ils ont des jeunes, ils ont par Veretout, ouais, mais bon, après Aristiguita aussi, bon, voilà quoi. Ouais, ça ne fera pas pire. Je pense qu'ils essaient de pérenniser un peu le club en Ligue 1. Je pense que c'est bien. Je pense qu'ils vont y arriver. Surtout, on n'entend plus parler de leur fameux président. Oh putain. Et ça fait du bien. Valdemar. Non, ouais. Je pense que Nantes va tenir le coup, venir en milieu de tableau. Je les vois bien continuer à progresser petit à petit. D'année en année. Moi, j'aurais dit l'inverse. La gueule. Ah ouais? Je les vois un peu plus durs cette année. Déjà, en fin de saison, je crois, c'était pas génial, hein. Ils étaient partis fort, parce que chez eux, ils déchiraient tout, et déjà, après l'hiver, je crois que c'était un peu plus dur. Je sais pas, je les sens stagner, peut-être. Ils ont fini combien pour le mieux, quoi? Moi non plus. Ils ont fini 14e. Ah ouais, quand même, c'est un peu plus bas. Ouais, bah, faut qu'ils fassent mieux, c'est pas compliqué. Enfin, pas compliqué. C'est pas censé être compliqué. À voir. Après, quand même, ils perdent deux joueurs, on va dire, importants au milieu, quoi. Hansen et Veretout, qui sont quand même... Oui. Ouais, ils vont perdre Djiloboji aussi, il partira avant la fin du mercato, quasiment sûr. Après, j'aurais bien voulu que Lyon se positionne dessus, parce qu'un Djiloboji, c'est pas mauvais. Et ça a une expérience en Ligue 1, maintenant. Peut-être que lui préférerait peut-être partir en Angleterre. Ouais, après, je pense que c'est ça, surtout. 20 millions au City. Allez. Allez. Après, j'ai cru voir que Kita en demandait, je crois, 1 million et demi ou 2 millions. C'est, apparemment, apparemment, c'est passé un truc, ils sont pas en très, très bon terme, apparemment, donc, de toute façon, Kita va pas absolument le dégager, donc. Ouais. Sans jouer le Adrian, là, qui s'en fait prêter, là, le Star FM. L'année dernière, il a fait 11 matchs à Leeds, donc en division 2 anglaise, pas de but. L'année d'avant, il a fait 5 matchs avec Cagliari pour 0 but. Et après, tu remontes au Brésil en 2013. Ça va être fameux, je pense, Adrian. Ouais, c'est... À Leeds, il a gagné la simulation de l'année, je crois, ou un truc comme ça. Ah, le trophée de la pire simulation de la saison. Je pense que ça va être pas mal. Ah, ça la bonne pioche, ça peut être Sigtorsson. Il a 20 ans, il a fait déjà 8 clubs, ou je sais pas combien. Ouais. Ah oui, quand même, ouais, c'est... Oui. Oui, Sigtorsson, je pense que si Sigtorsson, je pense qu'il peut être bon. Bah, il est bon en FM déjà. C'est pas forcément. À l'Ajax, il avait sa place dans le titulaire. Bon, il marquait pas beaucoup, mais ça peut être une bonne pioche pour Nantes. Il est sur 17 buts sur les deux dernières saisons. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Tout pour la Ligue 1. S'il en met 8-10, ils sont contents, je pense. C'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'ils l'ont acheté. Et puis après, ils ont pris aussi Salah, qui a pas été trop mauvais à Caen aussi, donc. Ouais, c'est bien. En remplaçant, c'est pas mal. Grave. Je vous laisse 5 minutes et je reviens. Allez, amusez-vous sur Nice après. Yeah. Ok, donc on va passer à Nice, entraîné par un ami de Forza, je crois, Claude Puel. Qui ça? Connais pas. De tous les données, je crois même. Ouais, non. Oh putain, lui aussi qui crève. Enfin, pas dans le mauvais sens. Attention, il est foutu de te faire un procès là, s'il entend. Voilà. On va lui transmettre. Déjà, le mec s'est pas joué sans son fils dans son club, donc. C'est deux fils maintenant. Il en a gardé un quand même. Ouais. Il en a viré un. Il en a viré, je pense qu'il a pas eu le choix surtout. Bah, vu comment il s'est fait allumer par les supporters, je pense qu'il a pas eu trop le choix. Ouais. Après, sinon, à niveau arrivé, il y a quand même Hatem Ben Arfa. La renaissance peut-être. Ça, c'est Matt qui va être content, ouais, voilà. Il a déjà le maillot, je crois. Il y a Valère Germain, qui est prêté par Monaco. C'est. Ça peut être pas mal aussi pour ça Nice. Ça peut être pas mal, ouais. Oui. Après, il y a Seru qui vient du Portugal, je connais pas. Le Marchand du Havre, Pied de Guingamp, Rougeau de Saint-Raphaël. Ouais. Et Mendy de Nîmes. Voilà. Ouais, pas des grosses recrues. Après, surtout, ils ont perdu beaucoup, Nice. Amavi, Boteac, Bossetti, Carlos Eduardo aussi, qui se sont fait enfler par Porto. Digar, qui est parti. Ouais, ça fait beaucoup de départs de joueurs titulaires en tout cas. Ouais, ils ont aussi perdu Souleymane Diawara. Ouais, ça c'est pas une trop grosse perte, je pense. Ah, c'est un joueur comme d'expérience qu'il pouvait apporter. Mais bon, après c'est pour des raisons extra-sportives qu'il est voilà, qu'il n'est pas resté, je pense clairement. Voilà. Je pense aussi, ouais. Après j'ai vu un peu Nice-Naples, donc le petit série au milieu, ça allait quoi, milieu relayeur qui il est bon pas mis dans les. D'ailleurs sur ce match-là. Si, il a mis une frappe de loin, ouais, 20 mètres. Mais il est pas mal, un peu box to box, quoi. Le Marchand défense par rapport à Bodmer, enfin, en même temps, c'est pas compliqué, mais c'est une flèche, quoi. Non, mais Bodmer. Forcément, il a rattrapé pas mal de coups par sa vitesse, mais après, les latéraux, c'était horrible, quoi. Je sais même plus qui y avait. Il y avait Kevin Gomis à droite, catastrophique. Et à gauche, à gauche, c'était un milieu de terrain, Hult. Mais il faut à tout prix qu'il recrute des latéraux, quoi. Ouais, bah, ouais. Et Puel, forcément. Le devant, ça jouait pas mal, hein, par contre. Le 3 de devant, là, c'était Germain, Pléa et Ben Arfa. Ça combinait pas mal. Donc, devant, je lui fais pas de soucis, mais faut qu'il recrute derrière à tout prix. Ouais. Qu'il recrute vraiment derrière et en milieu de terrain, quoi, milieu def, à tout prix. Parce que là, il joue en 4-4-2 diamant, et c'est vrai que derrière, il touchait pas, il récupérait rien, et il subissait beaucoup, quoi. Quand je suis sur leur effectif, quoi, waouh, tu vois les défenseurs, Kevin Gomis, Le Marchand, Bonnemer, Genevois, Lloris et Rougeau. Ouais, faut vraiment qu'ils recrutent parce que là, eux, s'ils restent comme ça, moi, je les vois bien limite descendre, quoi. Il y a des chances. Parce que Puel arrive en plus en fin de cycle. Il est dans sa troisième année, si je dis pas de conneries. Et on sait très bien que les équipes en fin de cycle avec Puel sont merdiques. Il a fait le cas à Lille, il a fait le cas à Lyon. Ouais, il dérogera pas à Nice. Ouais, faut qu'ils recrutent, quoi. Ils vont recruter, je pense. De toute façon, c'est sûr. Bah, après, c'est pareil. Leur stade a l'air de leur coûter un bras. Est-ce qu'ils ont vraiment les moyens? Mais il me semble que le président avait dit justement contre Naples à la mi-temps qu'il y aurait quand même un ou deux gars au moins qui arriveraient après. Faut voir le niveau, quoi. Voilà. Après, sans recruter des joueurs, si le stade coûte un bras, sans recruter des joueurs, cette année, tu peux prendre un ou deux prêts, quoi. Pour renforcer la défense, quoi. Parce que. Ouais, voilà. Cela, ça peut pas. Pas une saison entière avec ça, quoi. Ça peut pas durer, non. Voilà, sur. Sur Nice. Ouais. On va passer donc, à un petit club, hein. le Paris Saint-Germain. Donc voilà, donc niveau recrutement, il y a Kevin Trapp, Benjamin Stambouli et un petit joueur argentin que on connaît pas beaucoup, hein, qui est signé aujourd'hui, André Di Maria. Voilà. Et après au niveau départ important, il y a Johan Cabaye, qui est encore important. Mais... Voilà, Zoumana Camara qui a arrêté sa carrière et Areola qui est parti à Villarreal en prêt. Qui donc je pense n'aura jamais sa chance au Paris Saint-Germain clairement. Avec Trapp, ça là oui c'est fini. Déjà avec Sérigu c'était moyen, avec Trapp en plus qui a le même âge que lui quasiment. Ouais c'est. Bah cherchez pas le champion plus loin, le voilà quoi. Ouais. Enfin l'effectif est hors norme comparé au reste de la Ligue 1. C'est clair. Voilà s'ils sont pas champions c'est pas logique. Oui de toute façon ils visent autre chose. Et forcément ils visent quand même le titre. Enfin, bah oui. Ils seront obligés de jouer les matchs quoi mais. Maintenant, eux, ce qui les intéresse, c'est la Ligue des Champions. Quoi. C'est clairement la Ligue des Champions. Et puis, je pense que Di Maria peut leur aider à passer un cap en plus. Après, clairement, pour moi, maintenant, ils sont trop sur Zlatan. Ouais, donc je disais que Zlatan, tout simplement, il a trop de poids sur l'équipe. J'ai envie de dire vivement qu'il parte et surtout qu'il laisse la place à Cavani. Après ouais, avoir quoi, mais c'est cruel de dire ça, mais c'est cruel parce que je l'aime peut-être bien. Peut-être mal pour un bien aussi, ouais. Peut-être mal pour un bien. Moi, là où j'attends le rebond, c'est sur la gestion des égouts. En défense centrale, je pense que Marquinhos, au bout d'un moment, ça va saouler d'être remplaçant, d'être sur le banc. Donc voilà, il va falloir. Aurélie a l'air en forme. Ouais, voilà. Après, il y a aussi le cas des gardiens, parce qu'à mon avis, Sérigu, il va pas apprécier très longtemps d'être sur le banc. Donc là, sur ces dossiers-là, il va falloir qu'ils soient bien et surtout bien aidés aussi par ses dirigeants. Après, c'est pas Laurent Blanc qui va gérer vraiment. Je suis pas sûr que Laurent Blanc ait demandé à avoir Kevin Trapp et que ça va être quand même cruel de se dire que c'est lui qui va devoir gérer si jamais Sérigu est pas content d'être deuxième. Quoi. Il y a un directeur sportif, il y a des gens qui sont là pour ça. Zoumana Kamara. Voilà. Ouais, c'est son rôle. Ouais. Du coup, voilà, moi, je prends en route par rapport à ce qu'il dit sur Paris. Du coup, je sais pas forcément tout ce qu'il a dit parce que du coup, chez ma fille. Mais moi, en tout cas, je les vois passer un palier cette saison, vraiment. Ça s'est vu sur la préparation et ça s'est vu sur le trophée des champions. Il y a une sérénité qui se dégageait pas comme ça jusque là. Oui, Zlatan est encore un peu trop présent au milieu, encore qu'il descend vachement, je trouve, il descend plus dans le jeu, ce qui permet de libérer un peu les ailiers. Là, ils vont avoir presque des problèmes de riches, en fait, avec Di Maria qui arrive. En fait, ils disent que tu peux pas sortir 11 joueurs, c'est pas possible, t'en as 13, 14 qui peuvent être vraiment titulaires sans problème. Donc, tant mieux, parce que je pense que n'importe quel entraîneur de Ligue 1 va avoir ces problèmes-là. Mais, je pense qu'il y a moyen qu'ils passent un palier. Ils ont quand même pris d'expérience tous ces joueurs-là au niveau de ce collectif-là, au niveau de Ligue des Champions et d'expérience européenne et le fait de jouer ensemble. Je pense qu'un moment un cap à passer au niveau de la Ligue des Champions, ce qui va, je pense, arriver. Et en championnat, je pense qu'il, je pas ce qui va pouvoir les empêcher d'être champions à nouveau. Ouais, ils vont surtout devoir pas tomber sur le Barça en quart, encore une fois, quoi. Et encore. Et encore, le Barça, ça va pas pouvoir durer éternellement, je les sens pas beaucoup moins sereins, le Barça. Beaucoup moins. Ça se voit rien qu'avec Messi qui tente de se battre à chaque fois, le mec. Oui, qui perd les pédales en ce moment. Il est en train de se transformer en Valbuena, c'est superbe. C'est qu'il a 3 mois, il gagne avec des champions, quand même. Ah, ouais bien sûr. Ah, peut-être pas. Non, mais là, c'est vrai que Messi, notamment contre la Roma, il avait pas l'air serein. Il s'en est pris quand même à Yanga Mbiwa, donc. Étrange Yanga Mbiwa, c'est superbe. Ouais, c'est. Après, enfin, en Ligue des Champions, ça met du temps de construire l'équipe, donc, peut-être qu'ils feront la demi cette année, mais pour la gagner, il faut quand même construire. Ah oui! Non, s'ils font en ce moment, c'est super, hein. Mais une demi, ça serait parfait, je pense. Aller plus loin, c'est compliqué, quand même, mais une demi, ça prend du temps. Après, il faut aussi regarder, enfin, on peut aussi voir l'exemple de Chelsea qui a mis du temps à aller la gagner. Mais de toute façon, City cherche encore comment faire. C'est même pas un quart, tu vois. Bah City en fait ils ont pas compris enfin ils pouvaient pas l'acheter en fait avec des champions donc ils cherchent encore ils essayent un championnat ils ont vu c'est 300 millions d'euros à peu près avec des champions ils arrivent pas ils ont pas encore compris comment ça marchait ouais donc pareil on va dire en championnat plutôt tranquille et puis Puis, ouais, bah, ça va être un peu comme l'année passée, je pense. Ils vont jouer ce qu'il faut pour être champion. Et ils vont tout donner en Ligue des Champions. Après, bien sûr, ça va être compliqué quand même en Ligue 1, parce que les équipes se transcendent contre eux. On a vu la difficulté de Paris qui a eu face aux petites équipes, parce que les équipes se tuaient contre Paris parce qu'ils voulaient faire bonne figure. Et du coup, Paris avait du mal. Et puis pareil, pour gérer la motivation des grands cadres quand ils vont aller jouer à Angers, ça va être compliqué. Hein, parce que c'est pour ça qu'ils ont regardé et tout. Voilà. Non, et pas moi là. Après, je sais pas si vous en avez parlé aussi, mais tous ces jeunes qui montent, parce que Augustin qui a fait quand même une super préparation, Rabiot qui a atteint un niveau quand même extraordinaire, je trouve, pour son âge et pour le peu qu'il a joué. Il y a un truc à faire. Ah ouais, il a fait un super trophée des champions. Bah, il a été au niveau de Thiago Motta en fait, ouais, je trouve. Donc après, le problème de Rabiot, c'est clairement sa maman. Sa chère maman qui fout la merde clairement avec le club. Tant qu'il joue, après c'est bon. Bah oui, après lui, on sait pas comment ça va avec le club non plus. Maintenant, oui, je pense qu'elle veut juste gérer les intérêts de son fils et se faire de la thune au passage. Mais je pense qu'elle veut surtout qu'il soit titulaire et titulaire complet, ça va être compliqué. Encore que. Mais quatrième milieu derrière Verratti, Pastore, Matuidi, pour moi c'est pas usurpé. Si Motta part, quoi. Voilà. Si Motta part. Pour moi, il est déjà meilleur que Motta. Motta, ça va. Il faut qu'il arrête un jour Motta aussi. Il a plus le niveau. Hein. Oh, on va dire. Hein. Il a plus le niveau, mais qu'est-ce qu'il est plus sûr. On l'a vu l'an dernier. Irratis. On a vu la 10 quand même. Je crois qu'il n'était pas là à l'aller, il était là au retour. Oui, l'expérience, c'est sûr. Même au niveau du jeu quand même. Après, vous parlez d'Augustin, il faut faire attention aussi à pas s'enflammer non plus, parce que l'an dernier quand même, Baebek, on dit ouais, il fait une super préparation quoi. Baebek, il a 23 ans en fait. Augustin, il a 18, 19 je crois. Il a déjà 23 ans Baebek, ouais c'est vrai. Ouais, il a déjà 23 ans. 22. Mais... Après sur ce qu'il a montré l'année passée, Ebek, sur le temps de jeu qu'il a eu, forcément il a pas eu autant de cases qu'il aurait voulu, je pense, mais il a pas été plus mauvais qu'éventuellement un autre attaquant du club quoi. Donc il a donné ce qu'il a pu et pour moi c'était pas si mauvais que ça. Bon après ça vaut pas un Cavani, un Ibrahimovic, on est d'accord, mais il en faut quoi. Ça reste raisonnable. Oui. En tout cas, vas-y. Surtout quand tu vois un Lavezzi quoi, tu dis que finalement. Bien sûr. Il avait dit qu'il reste finalement, du coup, c'est partant pendant je sais pas combien de temps et qu'il reste. Son copain est arrivé, donc il va pas partir. Il est content. Non, mais en tout cas, là, pour moi, Paris, enfin, il y a une super équipe. Là, on est actuel des choses sur le papier et même sur le terrain, parce qu'on les connaît un petit peu, une super équipe. À arriver à faire monter un petit peu des jeunes formés au THT, comme Kimpembe, qui je pense avoir eu tant de jeux cette année, ou comme Rabiot, qui je pense qu'on aura aussi. Je sais pas, je trouve super séduisant de plus en plus Paris. Il va falloir que ça prenne un petit peu le pas dans le jeu, que ce soit encore plus intéressant, que les joueurs sont encore plus concernés pour le plaisir de les voir jouer tout simplement. Et je pense que ça pourrait être vraiment une belle aventure pour un club français en tout cas. Ouais. Alors, c'est dans le jeu que je les attends quoi. Parce que la saison dernière, ok, ils gagnaient des matchs, mais franchement, sur certains matchs, avec l'équipe qu'ils avaient, on se faisait chier quand même. Sur certains matchs en Ligue 1 surtout. Ah, c'était. Bah là, je reprends l'exemple du trophée des champions. Ils ont tué le match en 20 minutes, quoi. Donc après, ils ont géré et puis. Ouais. Ils ont eu beaucoup d'occasions qu'ils ont tué d'ailleurs. Aussi. À voir. À suivre. Voilà, après, on les suivra forcément. On les verra tous les quasiment 3 semaines sur 4 sur Beansport. De toute façon, on va les voir. Il y a pas de problème. Ouais, ça c'est. Voilà. Donc on continue donc avec le stade de Reims. Ah. Qui a fait. On est passé de Paris à Reims. C'est vrai que ça fait un peu. Ah, c'est dur, hein. C'est dur pour Reims. Après, au niveau recrutement, il y a Bulot. Frédéric Bulot, ex-monégasque, il me semble. Qui a un melon énorme. C'est un truc. Après, il sort de deux bonnes saisons, je crois, au Standard. Il a pas été si mauvais que ça. Bon, après, c'était de la Belgique, hein, forcément, mais à voir. Éventuellement, à voir. Après, il y a Thuram qui revient aussi de près. Qui lui n'a jamais été confirmé non plus. Non. Formé à Grenoble chez moi d'ailleurs, qui était parti derrière, je sais plus où, à Leeds je crois. Il était parti en Turquie. En Turquie, il me semble. Tout de suite, il était parti, j'en peux plus. Il est parti de Grenoble directement en Turquie, alors qu'il y avait des clubs de Ligue 1 qui le voulaient. Non, il est parti à Beira-Mar, il est parti d'abord au Portugal, puis en Turquie. Et après, Reims l'a racheté, il a joué que 15 matchs, et après, il a été prêté en Turquie un an, là où il a joué que 6 matchs l'année dernière, qui est Kassim Passa. Bref. Enfin bref, ouais. au niveau départ, je dirais le plus important, c'est Mukanjo. Ouais, Mukanjo. Oui, après, Mukanjo, il court vite, quoi, c'est tout. Attends, Mukanjo, je sais pas. Ouais. Ouais, mais après, il s'est joué un petit peu, quoi. Saison. Ouais, après sa meilleure saison, ça a été 9 buts en Ligue 2 avec Nancy, donc en fait, enfin bon. Pour Reims, c'est bien, quand même. Ouais, c'est très bien pour ça. Tiens, je reviens, je fais une petite pause. Il y a un transfert qui a été confirmé dans la soirée. On parlait justement de Nice qui avait besoin de défenseurs. Bah, Paul Bayes a signé Nice. Oh ah, putain, mais Saint-Etienne. Ouais, ouais, bah, s'amuser, il est pas bon. Voilà. Bah, à droite, ce sera pas pire que Kevin Gomis, ça. Non, non. Et après, voilà, il remplace numériquement Grégoire Puel dans le contrat intéressant. Ouais, ouais. Non, c'est bien pour les deux. C'est bien pour Alien, Paul Bayes. Très peu joué à Saint-Etienne, finalement, il était blessé pendant très longtemps. Sinon, après, bah, pour revenir sur Reims, voilà, c'est pas... Enfin, Reims, ça va être dur. Voilà, ça va être super dur, quoi. C'est, déjà, la semaine dernière, ils sont passés pas loin. Puisqu'ils finissent 16e, ça va être... Ça va être dur pour Reims. Ça, y a pas de soucis. Après, avec un Gaëtan Charbonnier, éventuellement, qui peut se réveiller, ça peut être pas mauvais non plus sur le front de l'attaque. À voir, quoi. À voir. Après, il va falloir qu'ils se sortent les doigts quand même, hein. Parce que... Ouais. Alors pour moi, ça sera deuxième partie de tableau, frôler la relégation, mais comme l'année passée, quoi. Il va se maintenir, ouais. Ok. Voilà. Donc, on passe au Stade Rennais, hein. Stade Rennais. Entraîné par Philippe Montagné, hein. D'ailleurs, voilà. On cherche encore son projet de jeu. Donc, il a laissé en Espagne, je crois. Au niveau des recrues, il y en a quand même pas mal. Il y a Giovanni Cio, il y a Silla, Nkando, Mendes de Parme. Waris. Ah non, pardon. Non, non. Presque. Ah, ils pourront le voir souvent, il est pas loin, donc... Ouais, ils pourront le voir au stade. Après, en fait, le mec, Waris, il a acheté sa baraque pas loin, au pire, il a pas à déménager, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et après, sinon, ils ont pris deux mecs de Lens, Ball et Cavaré. Après, c'est que des retours. Ouais, bah, c'est pas avec ça qu'ils vont franchir un palier. Hein. C'est sûr. Voilà. Ils feront comme l'an dernier. Ils feront une série de 7-8 matchs énormes. Après, ils vont perdre 5. Ouais, donc, je désespère avec eux. J'y crois plus maintenant. Ouais, Rennes ne confirmera jamais, c'est sûr. Bah, pas avec ces joueurs-là, pas avec ce projet de jeu-là, de toute façon, c'est sûr. Pourtant, Montagné, c'est pas un mauvais entraîneur, hein, mais je sais pas, ça doit être le club qui galère. Il faut des bons joueurs, c'est tout. Ouais, voilà. Montagné, pour Giovanni Cio, il va dans ce club où les attaquants ne marquent pas. Voilà. Donc, ça va être, je pense que même pour lui, ça va être une saison compliquée. Parce que... Ouais. Pas voir. Après, Rennes, quoi, ça reste Rennes, et puis ça restera pareil en deuxième partie de tableau, et puis ils sont bien là où ils sont, je pense. Bah, je pense que, de toute façon, avec le live est passé. Pourtant, ils ont un des présidents les plus riches de Ligue 1, donc ils pourraient investir éventuellement, mais là, Ouais, mais depuis qu'ils avaient pris des joueurs, mais totalement obscurs, bon, à part Luis Fabiano, voilà, qui après a confirmé, mais sinon, ils avaient pris des joueurs, mais Turco, totalement. Mais, et en fait, depuis ce jour-là, il a dit qu'il mettrait plus une thune dans le Stade Rennais, donc bah, il en met plus. Ouais, mais tu peux mettre des thunes dans des joueurs confirmés sans autant prendre des obscurs brésiliens et qui confirmeront pas, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, après, voilà, le mec, il fait ce qu'il veut de son argent, hein, mais autant qu'il s'amuse, quoi. Ouais, voilà. Plutôt que de se faire chier pendant des saisons et des saisons, je sais pas, moi, enfin. Je serai à sa place, en tout cas, je m'amuserai, quoi. Bah, il s'amuse, hein, avec Samaïek. Ouais. C'est le seul amusement du stade, alors. Bon, après, sinon, au départ, le seul départ important, c'est Pajo à Saint-Etienne. Sinon... Ouais. Et, c'est une belle transition. Quelle transition, voilà. Superbe pour la Saint-Etienne. Pour les Verts, voilà, qui sont européens, qui sont qualifiés, in extremis, bon, ce soir, d'ailleurs. Sur ce coup-là, je vais vous laisser parce que Saint-Etienne, voilà, quoi. Non, je rigole, bien sûr. D'ailleurs, Nolan Roux a tué un ramasseur de balles ce soir. Ouais. Il a foutu un parpaing et le ballon allait sortir en sortie de but. En touche, carrément. En ou en touche, et il lui a foutu un parpaing dans la gueule du ramasseur de balles. Et il s'excuse pas, le mec, hein. Non, mais Saint-Etienne, comme chaque saison, on a vendu pour 23 millions d'euros, un peu plus. Donc, hein, voilà, c'est un Maximin Tabanou, qu'on a vendu. Enfin, Tabanou, qui est un des meilleurs arrières gauche du championnat, qu'on vend 5 millions à Swansea. On aurait pu le vendre le triple, mais c'est pas grave. Gradel, qu'on a réussi à vendre au grand club. Grand club, quand même. 10 millions d'euros à Bournemouth. Il est content d'y retourner, parce qu'il avait passé une saison il y a 4 ans. Régale-toi, Max Alain. Erding, 3 millions à Hanovre, bon, et puis Ricky qui repart de près, c'est pas grave. Derrière, là-dessus, ben, on achète quoi? Enfin, déjà, on recrute Vincent Pajot et Benoît Souekoto gratuitement. Et on achète Nolan Roux et Kevin Teufil-Catherine, c'est la seule bonne recrue parce qu'il a fait une super saison l'année dernière, en transfert définitif. Voilà, du coup, on n'a pas du tout un effectif pour jouer sur tous les tableaux, c'est-à-dire être encore européen, championnat, et arriver à sortir des phases de groupe en Europa League tout en essayant de faire bonne figure en coupe, ça veut dire à peu près 50 matchs, 60 matchs à jouer. Je sais pas qui va les jouer 60 matchs parce qu'on a, je sais pas, 22 joueurs professionnels. Je sais pas comment ça va marcher. Alors ils sont sur deux joueurs encore, c'est bien. Il y a souvent le Geoffrey Bia, le Congolais belge du Standard, qui est sur les tablettes, qui est un bon joueur. Je pense que ça pourrait vraiment être pas mal. Comment? Il joue quoi? Milieu gauche. Milieu gauche, c'est pour vraiment remplacer Gradel. Et il y a toujours un peu l'île Mopé, là on n'arrive pas trop à l'acheter parce qu'on est prêt à mettre que 1 million et que Nice veut 1,5 million, c'est vrai que c'est compliqué. la Ligue 1 c'est génial. Et il y a toujours le spec de c'est qui veut l'acheter aussi. Panukov c'est fini. Il y a le jeune de Nancy, le défenseur, là, je sais plus comment il s'appelle, Clément Langlais. Ouais. Pareil, Nancy veut 1,2 million, on n'est pas prêt à lâcher plus de 800 000. Enfin, c'est une blague, parce qu'on a une balance qui va plus de 20 millions d'euros. Et, Galtier a re-signé, a resté cette saison parce qu'il a reçu visiblement des garanties de la part de ses dirigeants pour, comme quoi, il va vraiment avoir une équipe compétitive pour continuer à progresser. Ben, je pense que c'est sa dernière saison au club. Voilà. Ça va être très dur ce soir. Il y a qu'à voir le match de ce soir, en fait. C'était relativement facile au match aller en Turquie, là, contre le Târgu Mureș. On a gagné 3-0 là-bas. En Roumanie. En Roumanie, pardon, ouais. Et là, ce soir, voilà, mené 2-0 à domicile, on a réussi à marquer un petit but, contre un défenseur de la main en face. Voilà. Je pense que si Galtier met pas une gueulante, c'est qu'il a déjà prévu de partir à la fin de la saison. Parce que c'est pas possible. Les dirigeants, soit ils font n'importe quoi, soit ils prennent les gens pour des cons, soit ils font les deux, mais ça va pas du tout. C'est en train de perdre du pied. Ça part sur un bon sentiment de vouloir vraiment faire mélanger ces sortes de formations à domicile, de vendre plus ou moins un joueur par an un peu prometteur pour remplir les caisses et arriver à faire un truc un peu pérenne pour faire progresser le club petit à petit, mais ça peut pas durer éternellement si tu mets pas un petit peu d'ambition, si tu n'investis pas un petit peu plus dans les joueurs. Et là, ça marchera pas. S'il y a pas vraiment des vrais arrivés qui arrivent, il manque au moins 3 joueurs pour moi dans le groupe professionnel. Si ça arrive pas, ça va être une catastrophe cette année. Ça va être une catastrophe. C'est devant, surtout, qui manque de joueurs. Parce que là, devant au milieu, quoi. Quand je vois l'effectif, je me demande qui va marquer des buts. Bah, déjà, mais même au milieu. Ce qui est sûr, ce sera pas Nolan Roux. Voilà. au milieu, il y a quoi? Il y a Coad qui est blessé depuis 8 mois qui va revenir, mais il a quand même 30 ans. Il y a Fabien Lemoine, il y a Jérémy Clément. Benjamin Cornier, on le cherche depuis 2 ans. Il y a personne d'autre. Il y a pas d'autre. Il y a Diomandé, pardon. Le seul qui est un peu offensif, c'est quoi? C'est Cornier, voire Coad, quoi. Cornier est vraiment 10 à la base. Coad, oui. Il est 8, mais il y a plus offensif. Mais il y a, on en parle avec Booba sur le forum depuis 2 ans. Il manque un 10. Et je comprends pas que ils veulent pas aller chercher un 10. Et on a encore Molo, vraiment, qui s'est réveillé. Qui est relativement correct. Kevin Monet-Paquet, je sais pas ce qu'il fout encore en professionnel, parce qu'il est mauvais. Il est juste simplement mauvais. Mais je pense qu'il met de la bonne volonté. Il essaie de jouer au foot comme il peut, hein, mais juste, il est pas bon, quoi. Et voilà, on attaque, on se retrouve avec Nolan Roux, c'est tout. Jimmy Saint-Louis, je crois, qui s'appelle, un jeune de formation, qui a marqué un but en préparation, et qui a marqué une dizaine de buts l'année dernière en CFA. Ça serait bien qu'il ait un peu sa chance, parce qu'en plus, Galtier, il est un peu frileux à faire jouer des jeunes. Il va être obligé. Voilà, s'il veut arriver à faire un compos. Non, mais c'est compliqué, hein. C'est très très compliqué. Moi, je vois les joueurs offensifs. Le seul, je dirais, qui a un peu de talent, c'est Amouma, mais le problème, ouais, c'est que le mec qui est blessé, c'est moins sur 12. Blessé, c'est moins sur 12, quoi. Ouais, pas tant que ça, mais en plus, il est déjà super irrégulier, en fait. C'est qu'autant, il a fait un super match au match aller, là, contre Târgu Mureș. Il a mis deux buts de loin. Là, on le voit plus jusqu'en septembre, en fait. Là, il est rentré en jeu, hein, on l'a pas vu. Non, c'est dur. Ça va être très, très, très dur. Je pense qu'il va y avoir des recrues. C'est pas possible parce que ça va être beaucoup trop compliqué. La grande question, c'est surtout les dirigeants. Qu'est-ce qu'ils attendent, quoi? Parce que ils projettent tous les ans sur Galtier qui va faire progresser l'équipe, mais il peut pas faire progresser l'équipe sans les joueurs qui vont derrière, quoi. Ah non. Non, mais c'est sûr. Hein, ça va être, à mon avis, ça va être très compliqué. Après, je pense que vous êtes suffisamment solide pour finir 5, 6, 7. Je pense que ça va être compliqué. S'il n'y a pas des recrues, ça va être quasiment impossible de finir aussi haut. La défense a été bonne l'année dernière parce que ça a aussi marché un petit peu sur coup de surprise et par du collectif. Là, mine de rien, on perd 2 défenses. Bon, Paul Bay, ça peut jouer l'année dernière, mais il a quand même été là. On perd Franck Tabanou, qui mine de rien a été bon. Benoît Souekoto a fait un bon match aller contre Târgu Mureș, à voir maintenant sur la suite. Derrière, Pogba, Bayal, Perrin, c'est pas mal, mais ils sont que 3. Kevin Teufel-Catherine, il est très bon à droite, mais il peut jouer au centre aussi. Mais c'est pareil, c'est super léger, quoi. On a Kevin Teufel-Catherine et François Clerc qui est l'ombre de lui-même à droite. Mais il n'y a pas assez de défenseurs aussi. On a Pierre-Yves Poloma qui revient d'un prêt à Laval, qui pour moi est assez prometteur. Ah, il va du coup tourner avec Benoît Assou et Coteau, ce qui est cool. C'est-à-dire que Brison va sûrement partir. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que Brison est pas bon. Brison peut jouer dans l'arc aussi? Non, Brison peut jouer. Il est vraiment, vraiment que latéral. Il peut même jouer milieu, mais il peut même jouer ailier, Brison. Et, mais voilà, ça va être dur, quoi. Sinon, Lyon peut faire des soldes sur Bakary Koné. Je peux transmettre le numéro à Jean-Michel Aulas. Franchement, en quatrième défenseur, ouais, allez. Oh putain, ouais, c'est vraiment, Marias. Vous êtes désespéré, là. Ouais, bon. C'est con, il y avait Fanny, vous auriez. Non, il est dégueulasse, Fanny. Non, mais voilà, je sais pas trop comment on doit. L'anglais, je pense que c'est bien. Il est jeune, il a 20 ans, il est un espoir. C'est le type de profil à la Matuidi quand on est allé chercher ou à Payet, tu vois, où il y a vraiment, tu sais que tu peux le faire progresser, éventuellement faire une bonne plus-value derrière. Mais faut y aller, faut mettre ton million d'euros, quoi. C'est pas énorme, sérieusement. Après, l'anglais, je sais pas si Nancy voulait pas se le faire prêter pendant un an d'ailleurs. Oui. Après, tu mets 300 000 euros de plus et tu dis on le garde et puis c'est bon, quoi. Pas chier. voilà. Si vous avez d'autres choses à dire sur Saint-Etienne. Après, je pense que le truc qui est bien pour vous, c'est d'avoir gardé Ruffier, quoi. Bon, après, c'est, comme on disait, le marché des gardiens est pas. Non, Ruffier, Ruffier. En plus, on en parlait avec Booba, tant mieux pour nous, mais c'est vrai qu'il est jamais évoqué dans les grandes équipes, Ruffier, c'est tant mieux. Parce que lui, en plus, il est bon. Il est quasiment considéré comme troisième ou quatrième gardien d'équipe de France par Deschamps, en plus. Tant mieux, hein. Tant mieux pour nous, hein. Parce que Ruffier, il sauve méchamment la baraque sur plusieurs. Il a un peu un rôle un peu la Mandanda à Marseille. Il leur manque, il est là. C'est vraiment quand il sera plus là qu'on va se rendre compte qu'il était bon. Ouais, Ruffier me fait penser un peu dans le genre et dans la durée à Jeannot surtout. Ouais, ils sont aussi abrutis l'un que l'autre. C'est cool. Ils sont pas malins les mecs. Hein. Je les adore, hein, mais ils sont vraiment pas malins. Et mais ouais. Après, bon, Ruffier, il a même un meilleur potentiel encore. Il est meilleur que Jeannot quand même. Oui, Jeannot, il marchait vraiment au cœur et au mental. Et Ruffier, il est quand même bon, un très bon gardien qui continue à progresser petit à petit. Et après, par exemple, pauvre, si jamais il veut exploser un jour, il faudra qu'il frappe dans un vraiment gros club, quoi. Mais après, bon, s'il y en a un qui vient avec 15 millions, il partira, hein. Pas de problème. Aston Villa, si tu nous entends. Voilà. Oh, même Bordeaux, hein, je pense que. Ouais. Bournemouth, non, c'est fini, les relations avec Saint-Etienne, c'est fini. Je crois que ça va pas se passer, ouais, sinon. Donc, ils vont encore proposer 5 millions, ça va encore gagner. Bon, et au final, Gradel, il va payer son million de prime de fidélité ou pas? Alors, c'est pas ça, l'histoire de la prime, en fait, il fait la tranche, en fait, mais c'est qu'en fait, la prime de l'année pour l'année à venir a été versée en avance. Et du coup, les dirigeants lui arrivent de la rendre parce qu'il peut pas jouer. Bah oui, forcément. Voilà, c'est ça. Ah oui, Gradel, oui, Gradel, il est con. Ouais. Ce que c'est l'histoire de la prime. Ah ouais, d'accord. Donc non, Gradel n'a pas dû payer de sa poche du tout pour son transfert. Il a juste rendu ce qu'on... Il doit voir, je sais pas s'il l'a rendu par contre, mais ouais. Voilà. Mais non, on l'arnaque, Gradel. Il a dit qu'on l'arnaquait. Que Saint-Etienne l'arnaquait. Ah bah oui. Ah, quand c'est sorti, j'ai regardé sur son Twitter, c'est hallucinant, quoi, le gars. Non, mais il a vraiment pas de face. Le mec, il était personne. Il était en division 2 anglaise. Saint-Etienne, t'allais le chercher. T'en fais pas, il va vite retourner en D2 anglaise. Ouais, il y a pas rien, ouais. Et non, mais le mec, il fait un foin. Je veux bien. Il prolonge l'année dernière pour avoir un bon de sortie cette année. Il y a pas de souci. Mais genre, attends au moins qu'il y ait une vraie offre, quoi. Tu vas pas râler parce que ton club accepte pas 5 millions d'euros, quoi. C'est, sérieusement, réfléchis. Enfin, je sais pas. Bah, de toute façon, on l'avait vu dans ses déclarations de fin de saison, quoi. Ben oui. De toute façon, ouais, voilà quoi. C'est et puis c'est. Après, y a pas de souci, s'il veut partir, il part, y a pas de problème. Mais sois intelligent jusqu'au bout. Oui, tu vas partir, mais attends 5 minutes, quoi. C'est tout. Après, dans le discours, c'est un peu la même chose que je disais tout à l'heure sur André Ayew, quoi. C'est-à-dire que le mec gueule parce qu'il veut partir dans une équipe ambitieuse, il part à Bournemouth, quoi. C'est ça. Ok, quoi. C'est voilà. Ouais, bah je pense qu'il a un meilleur salaire, c'est tout. Bournemouth, ils ont quand même fait une bonne phase de recrutement, il me semble, pour leur. Après, les promus marchent plus ou moins pas trop mal à. Faut pas se leurrer, Bournemouth retournera en D2 direct. Mais il y a moyen. Ils ont Sylvain Distin, Bournemouth. Ouh. à voir. Ouais, bref. Enfin, moi, je les vois quand même européens, là-dessus. Qu'ils t'entendent. Bon, bah, de toute façon, ils seront sortis au premier tour de l'Europa League, donc après, ils pourront jouer le championnat, quoi. À voir. Non, mais je pense qu'ils sont capables d'aller jusqu'en poule. Mais du coup, c'est là, ils sont qualifiés en poule, du coup. Ils sont qualifiés au barrage. Il y a encore un tour, il y a encore un barrage. Okay. Voilà, mais vous serez tête de série. Ah, si... ouais, pff, ça veut rien dire. Hein. Tu vas taper un club Azerbaïdjan où t'arrives pas à jouer là-bas, c'est compliqué. Hein. Ouais, ouais. La dernière, ils étaient tête de série et. Plus Lyon confirme. Donc, Toulouse. Voilà, c'est pas tellement, on passe à Toulouse. Toulouse, on a Toulouse. Qui donc a perdu son entraîneur, hein. On est tous tristes. Waouh. Wow. Déjà, on fait son dernier. Moi, ce club me déprime, je sais pas, mais il me déprime, mais vraiment. Ah, c'est... Et puis les recrues sont pas là pour enthousiasmer. Bah, il y a Goycochea. Goycochea. Et Tisserand qui revient encore pour un peu. Ah voilà, donc Tisserand, tu le considères pas comme une recrue puisqu'il était déjà là l'année passée. Goycochea, ouais. La seule et unique recrue pour pallier à leurs errements du gardien. Zachary Boucher, Ali Hamada et d'autres. Ouais. Je passe. Il a déjà fait une boulette en amical, Goycochea. Oh putain. 5-0 le week-end dernier, et il a fait une faute de main déjà sur un début. Non mais c'est hallucinant, c'est Toulouse après, quoi. Ça reste un match, mais la défense fait ultra flipper. Les latéraux, c'est nul. Tous, soit Tisserand, Ninkov, Moubanje ou Mateus. C'est très ouais, moyen après... dans l'axe, à part Spaik, super faible. Oh, pour moi, ça peut viser la charrette, là. Et surtout, clairement. Est-ce que Ben Yedder va être motivé? Parce que quand même, le mec qui devait partir, c'était quand même, c'était bouclé, en fait. Ah, du coup, il est pas parti, Ben Yedder. T'es sûr qu'il était parti? Non. Ouais, toujours c'est... là. Pour... Il reste 3 semaines, encore. Il va faire la gueule. Non, il va partir, c'est impossible. Il va tellement partir depuis je sais pas combien de temps. C'était Séville qui était dessus, hein. Ah ouais. Bah ouais. Il a fait une bonne prépa, par contre. Ouais, ils étaient prêts à mettre 10 millions d'euros, et en fait, bah. Ah, Sardran était rapace, encore une fois. C'est Sardran, hein. Ouais, mais il va falloir qu'il rebaisse un peu ses estimations, parce que Toulouse, voilà, quoi, a rien fait d'énorme ces dernières saisons. Ok, Ben Yedder, 10 millions, pour moi c'était honnête comme deal. Bah c'est le prix de Gradel, donc oui. Voilà. Après je sais pas combien il en veut exactement, mais je suis pas sûr qu'il les aura, surtout vu le marché, puisqu'il partira pas en Angleterre. Voilà. Wow. Ouais, il peut partir en Angleterre, hein, c'est... Et tu peux avoir un. Ouais, il a pas trop le profil pour jouer là-bas. Mais il a pas le profil, ouais, il a bien le profil espagnol, mais. Ouais, mais après les Anglais, du moins qu'un joueur est à peu près bon, tu sais. Ils peuvent mettre 15 millions dessus, en plus. Ça les dérange pas. Parce dommage, que pas... dommage qu'il soit pas anglais pour Toulouse, quoi. Il aurait peut-être valu 60 millions. C'est clair. Ouais. Mais, après, par contre, s'il s'en va, là, il va vraiment y avoir problème, parce que, au milieu, c'est pauvre, en défense, c'est pauvre, mais alors après, en attaque, mais qui va marquer? Bah après, s'ils le vendent, ils vont se faire quand même de l'argent, et on pourra réinvestir pour acheter des joueurs. C'est que là, après, c'est qu'il vient quand même de toucher 11 millions d'euros de la vente de Aurier à Paris. Quand il fait de l'argent, quoi. Moi, je pense que cette vente, elle devait être provisionnée dans le budget de l'année passée, et ils ont dû la laisser filer en fait dans le budget de l'année passée. Ils peuvent rien toucher du coup cette année, je pense. Après, Toulouse, c'est pas un club qui a investi énormément. Hein. On se souvient quand on avait acheté Gignac, on avait quand même acheté 20 millions d'euros, quoi. Quasiment. Et il y a rien qui a été réinvesti, quoi, quasiment. Donc. À mon avis, chaque année, ils vendent un gros joueur et ils achètent pas grand monde. Non, c'est ça. Ils réinvestissent. Là, les gros joueurs, je les cherche encore. Bah, surtout qu'avant, à l'époque, il y a eu la génération Capou, Sissoko, Tavanou. Voilà. Ça, ouais. Mais là, à part Ben Yedder, il y a plus personne. C'est un peu creux. Il y a 2-3 espoirs avec les milieux, là, Bodigé, Blin. Faut voir ce que ça donne. Ouais. Ça casse pas trop pattes à un canard. Non, c'est ils sont jeunes encore. Ils sont jeunes. Bodigé a fait une bonne fin de saison l'an dernier, quand même. En 6, c'est pas mal. Ouais, du coup, ils vont peut-être lâcher Aguilar en compensation. À voir, du coup, ce qu'Aribagé peut faire avec ce club, mais pour moi, ça m'emballe pas des masses. Non, c'est clair. C'est... Surtout s'il reste avec son 4-4-2 comme ça, et en défense, ils vont se faire éclater, quoi. Mais vraiment, ils sont très très faibles en défense, quoi. Ah ouais, non, mais s'ils mettent Canabi titulaire, ils sont morts. Ah ben. Il n'y a pas le choix, sinon c'est Iago. Je crois qu'ils n'ont pas le choix, ouais. C'est ça. Iago, c'est pire que tout encore. Ouais. Ça parle de Koné, mais Iago, il est pire que ça encore. Ouais. Et pareil, c'est pareil quand tu vois la gueule de latéraux, Tisserand, Ninkov, waouh. Ah, c'est le pire, je pense. C'est un Moubanje à la limite. Ils vont bien aller chercher un ou deux Serbes à droite à gauche. Ah ouais, mais alors c'est du niveau des Ninkov. Des joueurs qui sont là, hein. Ouais, des Ninkov et Nkov. Ouais, c'est. Qui prennent Ralfi comme recruteur, quoi. Ça va être limite pour eux. Ouais, c'est... Ça va être très dur. Devant, il y a du talent, quoi, mais c'est derrière que ça crie, et encore du talent devant, ouais, Pesic, ouais, pourquoi pas, mais Braithwaite. Bah, c'est un mec qui se bat, quand même. Il crée des choses. Bah, le seul truc bien qu'il... Frérot au milieu est fort, quand même. Le seul truc bien qu'il a, Braithwaite, c'est sa coupe de cheveux, je pense. Voilà, quoi. Tout ce que nous inspire Toulouse, c'est... Ouais. Pauvre Labinocle, il va souffrir. Vivement que leur saison passe et voir où ils vont finir, parce que c'est pas cette année qu'ils vont être transcendants. Hein. Bon, c'est sûr. Donc on passe au dernier club de cette Ligue 1, 3, voilà, qui remonte une fois de plus. Et qui refont l'ascenseur une fois de plus. Ouais, il y a des chances. C'est dommage, parce qu'à chaque fois, ils jouent bien quand même, et à chaque fois, ils se font c'est avoir. C'est ça, voilà, c'est... J'ai souvenir la dernière fois qu'ils sont montés en Ligue 1, ils ont vraiment super bien joué, mais c'était jamais récompensé, quoi. Ah, et puis, ouais, c'est... Un peu comme Lens l'année passée. Oh, Lens, c'était le bordel aussi, hein, Lens. Ça a été le bordel parce qu'il y a eu des trucs en coulisses, mais sinon, au niveau de l'envie des joueurs, ils avaient beau avoir 20 piges de moyenne, ça jouait, ça avait envie, quoi. Ouais, ils avaient l'envie, mais après, qualité de jeu, c'était pas quand même. Ouais. L'envie seule ne suffit pas, quoi. Alors que 3, il y avait vraiment de la qualité à l'époque, quoi. Ouais, ouais, je jouais pas mal. Ouais. Avec un joueur qui est toujours là, d'ailleurs, c'est Nivet, quoi. Nivet, ouais. Ouais. Franchement, il avait... Mais après, ouais, ça va être chaud pour eux, quoi. Ah, pareil, ouais. Niveau recrue, c'est pas Jojo, quoi. Bakemenga, quoi. Bakemenga, c'est, voilà. Qui a pas fait grand-chose en Ligue 2, donc on imagine en Ligue 1. Karaboué, ah. Pareil. Ouais, c'est très, très fort. Bah, c'est un promu, hein, après. Voilà, ouais. À voir. Après, ils prennent Mavinga dans le Minkazan. Pourquoi pas? C'est la seule recrue vraiment. Ouais, je l'avais pas vu celle-là. En défense, ouais. Ouais, ça, ouais. Il prenait aussi Camus de Genk en Belgique. Il était déjà à l'époque, Camus. Je crois, ouais. Il est pas un peu vieux, Camus? Bon, si, Camus, d'avoir. 85, donc quoi, si, 30 ans, quoi. Mais je crois qu'il est déjà passé à 3, ouais. il avait pas mal tourné. Ouais, c'est... Oui, il avait fait une saison complète en Ligue 1 il y a 3 ans. Ouais. Qui est formé à l'OM, mais voilà, qui n'a carrément pas lieu. Il a quand même joué 2 matchs en 2003-2004. Ouais. Il y a 13 ans, oui. Ouais, c'est ça, là. Ouais. Hein bon, bon, 7e, ils seront contents, quoi. Ouais. C'est leur objectif, je pense. Ouais, rester en Ligue 1 2 années, quoi. Bah, ça serait bien, quoi. Parce que tout le temps, ils font tout le temps l'ascenseur, quoi. C'est... Ouais. Ils arrivent jamais à se maintenir, quoi. Ça serait bien, quand même. Qu'ils se maintiennent au moins une fois, quoi. Voilà. Donc, on va passer au petit prono. Pour bien se foutre la honte après à la fin de la saison. Ah ouais. On est les seuls à se mouiller surtout. Ouais, voilà. Donc pour vous le champion. Paris. Ouais, c'est vrai. Paris moi aussi. Hein. Les relégués. Angers, Ajaccio et Reims allez. Ajaccio 3 et Toulouse. Ajaccio, Reims et Bastia. Ajaccio, Bastia et Toulouse. Oh putain. Ça va être dur avec Toulouse. Ça va être dur avec Ajaccio aussi. Ouais, Ajaccio, on est d'accord, ils ont clairement pas l'effectif de base pour se maintenir. Après, j'espère pour eux. Pas le stade non plus. Voilà, ouais. Déjà, rien que le stade, quand tu vois que ce club-là a quand même réussi à monter en Ligue 1 alors que l'année passée, je sais plus quelle équipe a pas pu monter alors qu'ils avaient le stade de je sais pas où. Toulouse en rugby. Voilà. LOL, quoi. En Ligue 2. Ouais, le Znac, quoi, c'est ça, c'est le Znac, quoi. Il n'avait pas pu monter en Ligue 2. Alors, l'équipe la plus décevante. Rennes, ça compte ou Ouais, bah, si tu veux, ouais. Moi, j'aurais dit Rennes aussi. Après, c'est à moitié une surprise, entre guillemets. Non, moi, je dirais Lyon, pas décevant dans le genre 15e et décevant dans le genre 6-7e. Moi, Lille, je pense que Lille va être décevant. Ouais, moi ça va être soit Bordeaux, soit Rennes. Moi je vais dire Monaco. Je les sens pas trop, c'est pas un... comme pareil, hein, je dis pas décevant 15e hein, mais je les vois pas sur le podium cette année. Donc l'équipe surprise de cette année, l'équipe que personne n'attend et qui Moi je pense Nantes. Lille. À Lille pour toi? Ouais, Lille allez. Moi je pense Nantes. Moi je vois bien réfléchir. Je vois bien Lille aussi. Moi, je vais dire, allez, 3. Tout le monde les voit. Oh putain. Les voit descendre. Et je sais pas, je les sens bien cette année. C'est un gros pari, mais bon. Alors, le joueur de l'année. Ah. C'est une bonne question. Di Maria, allez, la facilité. Ouais, pas évident, putain. Allez, Amouma. Chauvin. Ouais. Joueur de l'année. Pastore. Au vu du volume qu'il a eu l'année passée, il peut monter encore en puissance et ça peut être pas mauvais. Ouais, moi aussi, je veux dire Pastore. Le flop de l'année, c'est-à-dire la recrue qui fera rien, quoi. Le flop de l'année, Lannerou. Claudio Beauvu. Claudio Beauvu. Ah, c'est pas mal, Beauvu, ouais, ça me plaît, moi. Ouais, éventuellement. j'avais quelqu'un en tête, mais j'ai perdu. Ouais. Bakary Koné, ça compte? non, pour moi, ce sera à Marseille, ce sera au Campos. Moi, ce sera à Monaco, et ce sera El Shaarawy. Je pense qu'il va être blessé toute la saison, donc il fera pas une grande saison. On peut dire la révélation de l'année, recrue ou jeune, voilà, qui va exploser cette année. À froid comme ça, c'est pas facile. Le mec qui est passé de Lille à Monaco, là, Adama, je sais plus comment, Traoré. Allez, je dis lui, c'est la méga grosse cote. Ah putain, avec le prix qu'il a, tu m'étonnes. Bah moi, je vais dire El Shaarawy, tiens. Ouais. Pour moi, ce sera Tolisso. Pour moi, alors c'est un gros pari, hein, clairement, mais ça sera Bounassar. Je sens bien le petit. L'entraîneur de l'année. Bah, moi, je suis Bielsa. Moi, j'ai Bielsa. Moi, je veux dire Renard, du coup, pour rester logique. Laurent Blanc, s'il arrive à faire quelque chose en Ligue des Champions. Moi, je vais dire Bielsa aussi. Oh shit, tu l'as dit, non? Il a dit Bielsa. J'avais pas entendu. Voilà. Et meilleur buteur? Cavani. Nolan Roux. pour le cœur, moi, ce sera Lacazette. Pour la raison, Cavani. Moi, je vais dire Batshuayi. Quelle surprise. Oui, c'est... Grosse surprise. Meilleur passeur? Tauvin. Faut qu'après, on les passe, déjà. Tu fasses une bonne saison, je vais bien, mais t'es un meilleur passeur, quoi, t'es fou. Vous verrez. Ouais. Moi, je vais dire, Nabil Dirar. Un autre Nabil pour moi, Fekir. Alors, moi, le cœur me ferait dire Barada, mais bon. La raison me fait dire Pastore, moi. Et leur dernier petit prono, le premier entraîneur viré. Moi, j'ai Thierry Loret à l'élection. De même. Moi, je dis celui de Reims, je sais pas qui c'est, mais. Olivier Guégan. Guégan, ouais, voilà. Ouais. Guégan. Moi, je veux aussi partir sur Thierry Loret d'Ajaccio. Ah, trop facile. Trop facile. Ou Roland Courbis. Ouais. Lui, ça sera le deuxième. Voilà, donc on a fini le podcast donc sur notre Ligue 1, voilà, donc qui débute soit demain, soit aujourd'hui, hein, selon quand vous écoutez le podcast. Soit hier. Voilà, soit hier, moi aussi. On fait pas de coup de cœur. Si tu veux, tu en as. Bah, juste un petit message pour Ferdi. J'avais promis que je lui ferais une dédicace, donc voilà, pour lui dire que je l'aime. Il arrête d'être aussi défaitiste sur l'OM, t'inquiète. On va s'en sortir, on va s'en sortir. Et comme ça, il n'est pas déçu. Ouais, ouais, c'est sûr. Ça marche bien. Hein. Comme je pourris Saint-Etienne, moi. Ouais, t'es un peu optimiste, quand même. Happy face, quoi. Ouais, oui. Ouais, on a bien le ça, faut être optimiste. Mais oui, quand même. C'est pas comme si on avait Christophe Galtier. Arrête, c'est loin d'être le plus mauvais, hein, putain. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu une petite vidéo de Galtier qui met un but dans une baraque en bois dans la fenêtre. Il est pas mal. Pas mal du tout. Ça. J'ai cherché ça. Il est à l'entraînement sur les terrains d'entraînement au niveau du but et sur un terrain standard. Hein. La baraque, le petit chalet est posé au niveau du poteau de corner un peu plus loin et il fout le ballon dans la fenêtre directement. D'accord. Et c'était visé, hein, surtout. Nickel. Il va pouvoir Amouma s'y essayait juste avant, il a envoyé 3 km à côté. Bah, c'est bon, ils l'ont l'attaquant en fait. Oui, voilà, c'est ça. Pas cher. Entraîneur joueur. Nickel. Voilà, donc si les autres vous avez un coup de cœur, Forza, Toshi. Moi un petit coup de cœur pour le dernier album de Nekfeu que j'écoute en boucle. Sinon rien de plus tout simplement. Non, moi rien de particulier non plus là. C'est le mois d'août, c'est cool, c'est tranquille, c'est les vacances. Voilà. Ouais. Moi si à part si j'ai une série qui est pas mal, je sais pas si vous connaissez Under the Dome. Ouais, j'ai maté la première saison. À la fin, en fait, c'est des... Non, mais en fait, ça a vachement différé du bouquin. J'ai suivi les deux premières saisons, là, la troisième a commencé, et en fait, je trouve ça chiant. C'est vraiment parti en couille, quoi. C'est long, hein. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai découvert ça sur W9, parce que ça passe, ça a commencé, là. C'est la deuxième saison qui commence, pour l'instant, ça va. Ouais. Peut-être que sur la fin, je me ferai chier aussi. Tu verras la fin de la deuxième saison, c'est... Ouais, ça devient relou, bizarre. Ça devient relou. Tu sens que ça tire en longueur, en fait, et j'aime pas trop qu'on se foute de ma gueule. Ok. Okay, bah, j'espère que voilà, c'est juste votre avis et que moi je vais l'aimer quand même. Oui, bien sûr. Je suis chiant, hein. Je suis très très sévère. C'est une bonne série, comment dire. C'est pas, voilà, faut pas s'attendre à un énorme truc non plus. C'est une bonne série popcorn. Hein. Voilà. Ok. Ben voilà, donc merci à vous trois d'être venus, hein, d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi. De rien. Merci à toi d'avoir animé. Bah, de rien, parce que Steven nous a laissé tomber, donc voilà. Un petit tag gratuit, ça fait pas de mal. Et donc voilà, donc on espère à bientôt sur un prochain podcast. Salut. Ciao. Salut. Salut. Et vive Ferdi.